نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى. ولا أدري لماذا اخترت اليوم أن يكون الدرس في قصص الأنبياء، حتى يعني نغير شيئا من الجو، نغير شيئا من الجو. فارتأيت بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتكلم شيئا عن قصة آدم عليه السلام وما فيها من حكم ومواعظ. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de parler un peu sur Qasas al-Anbiya. Je ne sais pas comment on dit Qasas, peut-être on dit des histoires, des histoires des prophètes. Donc j'ai choisi de commencer par Adam alayhi salam. Et quand plus on connaît les prophètes, plus yani on les aime, plus on voudrait faire comme eux, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce sont les médiateurs entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Je n'oublierai pas de dire que quiconque, inchallah, veut m'aider pour la traduction, je lui enlève le point rouge maintenant. S'il y a un frère ou une sœur qui voudrait nous aider dans la traduction, je lui enlève le point rouge. Donc, on va commencer par Adam, alayhi salatu salam. Et j'avais dit que Allah Azza wa Jal, لما أرسل الأنبياء لما أرسلهم يعني نحن لما نقرأ مثلا قصصهم ليس من باب مثلا الثقافة العامة ولا من باب إضاعة الوقت كما يفعل بعضهم، إنما لحكم وأغراض. كما قال الله عز وجل لم تخن الذاكرة، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Je disais que nous, quand on lit yani les vies ou la vie des prophètes, alayhim salatu salam, ce n'est pas comme culture générale. Culture générale, je n'ai pas sommeil, et je vais lire la vie de Adam alayhi salam. C'est pas comme ça. Allah Azza wa Jal nous a raconté leur vie dans son Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé beaucoup des prophètes dans des hadiths sahiha. Pourquoi? Pour. كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الله عز وجل قال il y a dans leur récit dans leur vie عبرة يعني afin que il y a des signes il y a des يعني je sais pas comment on dit عبرة en français mais يعني ce n'est pas ça a été cité dans le Coran comme ça pour les lire seulement. Non, mais c'est une عبرة quand tu lis يعني tu dis subhanallah donc c'est ainsi donc c'est cela. Ensuite, yani, tu essaies de faire comme ils ont fait. Par exemple, c'est une leçon à tirer. Voilà, ce sont des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer quand on lit leur vie. Et des hikam. Il y a beaucoup de hikam, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de règles qu'on va apprendre lorsqu'on lit leur vie. C'est aussi que, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit aussi, نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وإن كنت من قبله لمن غافل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى دي أوصي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وموعظة. Donc أوصي الله عز وجل أتيل دي إلى دي وبروفات صلى الله عليه وسلم كلا نقص عليك من أنباء الرسل de tous les prophètes on te cite ou on te narre yani certaines histoires de leur vie comment ils ont vécu etc. mais nous faisons bien fouadak afin de raffermir ton cœur car le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple on l'a déjà frappé, on lui a cassé une dent, on l'a insulté, on l'a quand lui sallallahu alayhi wa sallam il lit ce qui s'est passé à Moussa par exemple alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit subhanallah al-azim, Donc je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que une fois on lui a fait des problèmes, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit rahimallahu Musa. Laqad udiya akthar min hada fasabar. Que Allah azza wa jal yani fasse la miséricorde à Musa alayhi salam, il a été yani udiya, on lui a fait beaucoup de mal plus que moi et il a été patient. Donc pour que le prophète alayhi salam dise cela, il faut que il ait su ou il ait lu quelque part que quoi, que Moussa alayhi salam, on lui a fait des problèmes. Sinon, il ne peut pas dire comme cela. Et par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, tombe malade, il sait que Ayyub alayhi salam est tombé malade 18 ans malade. Or, toi quand tu vois quelqu'un qui est tombé 18 ans malade, toi tu tombes seulement un mois malade ou là deux mois, tu dis alhamdoulilah. Qui suis-je moi? Qui suis-je par rapport à Ayyub alayhi salam, 18 ans malade? Est-ce que yani, moi je suis mieux que Ayyub ou la commence là? Donc ça aide à raffermir le cœur, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jal dhakara Adama fi mawadi'a kathira min Qur'ani. Allah Azza wa Jal a cité Adam alayhi salam dans beaucoup beaucoup de passages. Avant d'oublier, Zanjabila Paraklovic, dis-moi, est-ce que quand j'ai commencé, j'ai dit Alhamdulillah Nahmadou, ou là j'ai commencé comme ça directement? Je ne sais pas si j'ai dit la Khutbat al-Haja ou bien je ne l'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit comme d'habitude Alhamdulillah Nahmadou, wa nasta'in wa nastaghfiru? Je ne pense pas. On va, pour être plus sûr, on va demander un deuxième. Abdullah 07. Est-ce que j'ai dit Alhamdulillah ou là j'ai commencé directement? Parce que je parlais comme ça avec Farid Mekki, je crois que j'ai commencé directement. J'ai prié le Maghreb. Omar, Riyad. Omar, t'as fait mal. J'ai dit Khutbat al-Haja ou là je ne l'ai pas dit? Si, hein? Tu l'as dit, hein? Alors, Jazakallah. Alors, donc, c'est moi le fou. Khalil Zid Riyad, pour être plus sûr, Khalil Zid Riyad. إني جاعل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى بيضان آيوه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السجدين آخر الآيات. Ensuite il a dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Ensuite il a dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى. Bon, comme premier titre, le premier titre, Al-Malaikatu Is'aluna an Hikmati Khalqillahi li Adam alayhi salam. Le premier titre dans lequel on va parler, sur lequel on va parler, les anges demandent quelle est la hikma, quel est le but, demande Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le but de la création d'Adam alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah Azza wa Jalla a dit aux anges, je vais créer quelqu'un pour le mettre comme khalifa sur la terre. Je vais mettre quelqu'un comme khalifa. Et quand on dit khalifa, laysa ma'nah kama yadhunnu al-ba'd wa yakhta'una fi hadha annahu yakhlufu Allah Azza wa Jalla. Fa inna hadha la yakun wa la yasiru wa la yasih. Donc certains font une erreur lorsqu'ils disent quoi? Ils croient que quand on dit Khalifa, c'est celui qui va être à la place de l'autre. Hein? On dit X est mort et Y a été à sa place. Y, Khalifahu. Okay? Maintenant, quand Allah Azul a dit je vais faire un Khalifa, ça ne veut pas dire qu'il va être le Khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. La succession, voilà le successeur. Barakallahu fik, un successeur. Je vais mettre un successeur. Ce n'est pas le successeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le successeur ne peut être que quand le successeur n'existe plus. Pour qu'il y ait un successeur, il faut que l'autre, celui qui était avant lui, soit par exemple mort. C'est pour ça qu'on ne dit pas Khalifatullah. On ne dit pas Khalifatullah. لأن الله عز وجل حي لا يموت حي لا يموت. Mais Khalifa, on a le vrai sens de Khalifa, c'est quoi? C'est يخلفوا بعضهم بعضا. يعني je vais mettre quelqu'un qui va avoir des enfants, ensuite les enfants vont succéder les uns aux autres. Il y a quelqu'un qui meurt, il y a un autre des enfants, yani des descendants qui va le succéder. Ensuite quelqu'un qui meurt, il y a un autre qui va le succéder. Donc on peut pas dire d'Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un est son successeur. On ne dit pas. Donc le vrai c'est que Khalifa, qu'est-ce qu'on dit ici? Khalifa, yani entre nous, pas Khalifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah azza wa jalla dans le Coran, wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard. Vous voyez, il n'a pas dit Khalifa d'Allah. Khala'if al-ard. Il vous a mis comme successeur pour succéder à la terre, pas succéder à Allah. Il a dit dans un autre verset, wa yaj'alukum khulafa al-ard. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Donc là, c'est bien clair ce que j'ai dit encore une fois. Pire que cela, on ne peut pas dire qu'on succède à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas être son khalifa, car lui, Allah Azza wa Jal, on peut dire de lui que lui, il nous succède. Subhanallah al-Azim. La yasih an yakula ahadun innahu khalifatullah, wa yasih an yuqal an illahi subhanahu wa ta'ala annahu khalifatul insan. Annahu khalifatul insan. Quel est le dalil, par exemple? Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le safar, il disait, si je me souviens bien, il disait اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم هون ensuite il va dire أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. Avant cela bien sûr il a dit اللهم إنا نسألك في البر والتقوى من عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا و quelque chose j'ai oublié. Ensuite il va dire اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. Regardez, أنت الصاحب, on parle d'Allah سبحانه وتعالى, أنت الصاحب في الأهل, أنت إن شاء الله ستحفظ أهلي, وأنت الخليفة في السفر. Ou bien c'est le contraire, أنت الصاحب في السفر, toi qui va être يعني avec moi pendant le safar, toi qui va m'aider pendant le safar, être avec moi avec رعايتك وكلاءتك وحفظك, والخليفة في الأهل, c'est moi, yani je t'ai laissé fi ahli takhlufuni wa ana ghaib takhlufuni bi hifdihim wa ri'ayatika lahum la lahum ila ghayr dhalika. Donc regardez, on dit que Allah azza wa jalla huwa khalifat insan, on dit pas que l'insan huwa khalifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite les malaïka, les anges, quand ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont demandé yani, quel est le but de la création, quel est le but, ils ne l'ont pas dit yani, dans le but du djidel, pourquoi toi tu es créé, etc., il fallait pas, il ne faut pas créer, nous sommes mieux. Non, c'est pas comme ça. Ils voulaient savoir yani, par curiosité, parce que ils avaient entendu auparavant, c'est comme ça que vous disent beaucoup de ulama, ils avaient entendu. Car Allah Azza wa Jal les ulama disent, Allah Azza wa Jal, Adam alayhi salam n'est pas la première création. Adam alayhi salam, c'est la première créature humaine, Abu al-Bashar, Abu al-Khalq, mais ce n'est pas la première création comme ça en général. Ils disent qu'il y avait des djinns, qui vivaient sur terre. Il y avait des djinns qui vivaient sur terre, comme ça dit Ibn Kathir et beaucoup d'autres. Alors eux, quand ils ont vu les djinns qui vivaient sur terre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un djinn, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait les meurtres, il faisait le couler du sang, il faisait ça. C'est pour ça qu'ils ont dit, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand ils ont dit cela, donc ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, dans le but, yani, ils voulaient seulement dire, yani, Allah azza wa jalla, si tu veux créer quelqu'un يعني pour la ibada, pour l'adoration, etc. يعني nous sommes là et on est connu que on ne fait que la ibada, comme a dit Allah Azza wa Jal, يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. Du matin au soir, ils disent qu'Allah, ils font des ibadettes. Vous savez qu'il n'y a pas un endroit, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih, il a dit, il n'y a pas un endroit entre le ciel et la terre, il n'y a pas un endroit. Chibre, vous connaissez Chibre, un mampon, sans qu'il y ait un ange, ou bien incliné, ou bien prosterné, ou bien debout, en train de lire pour faire la prière. Nous, on ne peut pas les voir. Mais si Allah Azza wa Jal, لو أراد أن يمكننا من رؤيتهم لا رأينا العجب. Si Allah Azza wa Jal voulait nous montrer les anges, combien qu'il y en a, à chaque pont, chaque chibre, chaque 5-10 cm, il y a un ange. 5-10 cm, il y a un ange, bien sûr, d'ici jusqu'au 7e ciel, tellement ils sont grands. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Personne ne connaît le nombre de ces junoud, de ces soldats. Ya, ces soldats, surtout, yani, ça rentre dans les soldats, les anges. Car Allah Azza wa Jal, quand il veut des soldats, il peut prendre des fourmis comme des soldats, il peut prendre le vent comme soldat, il peut prendre les comme il a fait à Pharaon, il a pris les grenouilles comme soldats, yani, ce qu'il veut, il prend le soleil comme soldat, il prend la pluie comme soldat, et il fait, yani, il fait des châtiments aux gens lorsqu'il veut Azza wa Jal. Donc lorsqu'ils ont dit comme ça, ils ont dit, yani, nous on est là, yani, on fait la ibada, etc. Si tu vas créer quelqu'un pour faire la ibada, etc. Yani, nous on est là. Allah Azza wa Jal a dit, inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Eux ils ont dit, car ils avaient vu les djinns faire des problèmes, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas créer quelqu'un, il va faire des mashakil, il va faire des problèmes comme on fait les premiers. Il a dit, inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih qui dit, en ce sens, qui dit que, d'ailleurs il est fait le Bukhari et les autres, il dit que les anges, yata'aqabuna bil-layli wan-nahar. Il y a des anges, le prophète sallam, il a dit, il y a des anges qui viennent en bout la nuit et les jours. Je ne parle pas des anges en général, je parle de ces anges qui viennent en nous, spécialement à la salle spécialement pour ceux qui font aussi la prière, à la prière de l'Asr et à la prière du Fajr. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار et يجتمعون et ils se rencontrent في صلاتي الصبح كما قلت صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم. Ensuite ceux qui ont passé la nuit avec nous, car il y a un groupe qui descend chez nous, Salat al-Asr, et il reste jusqu'à Salat al-Fajr. Ensuite, ceux de Salat al-Fajr montent, et les autres descendent, et ils restent jusqu'à Salat al-Asr. Donc c'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours. Hada, fi kulli yawmin yaqa hada. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum. Ensuite, ceux, les anges qui ont passé la nuit avec nous, ils vont monter chez Allah subhanahu wa ta'ala. فَيِسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Et il va lui demander alors qu'il connaît la réponse. Allah Azza wa Jal peut demander des choses alors qu'il connaît la réponse. Il a dit à Moussa alayhi salam, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Moussa a dit, هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. Est-ce que Allah Azza wa Jal ne savait pas ce que Moussa avait dans la main? Il ne savait pas ce que Moussa faisait avec la canne? Il sait. Mais il pose des questions alors qu'il connaît déjà la réponse. Allah va leur demander, ceux qui montent après l'As, ceux qui ont passé la nuit chez nous, quand ils vont monter, Allah, alors qu'ils connaissent déjà leur réponse, ils connaissent ce qu'ils vont dire. Comment avez-vous laissé mes créatures? Comment avez-vous laissé mes créatures? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Ils vont dire, on les a laissés en train de faire la prière, le Fajr par exemple, ou l'Asr ici, parce qu'ils sont montés vers l'Asr, on les a laissés en train de faire la prière de l'Asr, et lorsqu'on est venu vers eux, le Fajr, on les a trouvés en train de faire la prière. C'est pour ça, peut-être maintenant, vous connaissez quel est le secret. Le secret, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Men salla al-bardayn dakhala al-jannah » Sobhu l'asr. « Men salla al-bardayn dakhala al-jannah » Quiconque fera la salade des bardayn rentrera au paradis. Et le bardayn, c'est sobh ou l'asr. Pourquoi spécialement sobhu l'asr? Parce que sobhu l'asr, il y a des anges. Des anges qui travaillent par groupe. Le groupe qui a passé la nuit avec toi, il monte. Ensuite, il y a un groupe qui descend à l'asr, il va passer la nuit avec toi jusqu'au sobh. Ils travaillent par équipe. Ensuite, ceux du sobh, ils montent et ils reviennent à l'asr. À chaque fois qu'ils montent, l'asr, il va leur demander « Comment avez-vous laissé X ?» Ben, si tu avais fait la prière à l'heure, ils vont dire « On l'a laissé en train de faire la prière. » Et quand on est descendu, il était en train de faire la prière. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم لمن وفقه الله عز وجل فحرص على صلواته فأداها في الوقت. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي ما هي أعظم الصلوات أعظم الأعمال أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها أو الصلوات لوقتها. Donc il n'y a pas mieux عند الله سبحانه وتعالى que la salat quand on la fait à l'heure. Il n'y a pas mieux que cela. On la salat quand on la fait à l'heure. C'est pour ça que الله عز وجل a dit dans le Coran فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل يعني عذاب في جهنم لمن للذي لا يصلي لا للذي يصلي هذا العذاب للمصلي نعم للمصلي فويل للمصلين مكي كيف يصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون il fait la prière du l'azur a dit dans ce verset qu'il y a un عذاب un supplice le jour du jugement dernier. Pour qui le supplice est le châtiment? Pour ceux qui font la prière. Subhanallah, ceux qui font la prière. Naam, pour ceux qui font la prière, il y a ce châtiment. Pourquoi? Parce que comme a dit Abdullah ibn Abbas, la prière du Dar, peut-être il va la faire avec le Maghreb. La prière du Maghreb, peut-être il va la faire demain. Il reste en face de la télévision. Attends, je vais faire l'Aisha. Ensuite, il commence à bailler. Il dit, je suis fatigué, je vais dormir. Demain, Inch'Allah, je vais faire l'Aisha. Alors, ceux-là, ils ont un supplice spécial qui les attend. Pourquoi? Parce que ils ont fait passer des salawats. Comme il a dit l'Azza wa Jalla dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَبَعُوا الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Il a dit, ensuite d'autres ont succédé aux meilleurs, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? خَلَفَ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَبَعُوا الصَّلَاةُ. Ils ont perdu les salawats, ils les ont laissé yani sortir de l'heure, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Et ils ont suivi les plaisirs et les tentations. C'est pour ça que ليس فيه احد يضيع صلاه الا من اجل ماذا من اجل شهوه اما شهوه نفس اما شهوه مال اما شهوه سلطان اما شهوه امراه اما شهوه سياره دائما من اجل الشهوه الانسان يضيع صلاته لان الله عز وجل هو الذي قال هذا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا عذاب في جهنم الله سبحانه وتعالى العافيه. Donc conclusion, Allah Azza wa Jalla ne t'a pas dit de faire la prière. Il t'a dit de faire la prière à l'heure. Voilà la différence. Il ne t'a pas dit de faire la prière, salli. Il a dit aqim salat. Il n'a pas dit salli. Il a dit aqim salat. Aqim, c'est là à l'heure, avec le vrai wudu, avec les sunan, avec ça. C'est ça, aqim salat. Ensuite, je disais que. Je me suis arrêté. Ensuite. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, pourquoi va-t-il, il leur pose la question aux anges, pourquoi il leur dit comment avez-vous laissé ibadi, mes créatures? Pourquoi les ulama ont dit? Justement, parce que les anges ont dit, tu vas créer quelqu'un qui va faire des problèmes, qui va faire couler le sang. Alors Allah Azza wa Jalla leur dira chaque jour, alors comment avez-vous laissé mes créatures? Et là, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, en train de faire la prière, qu'Anna Allah Azza wa Jalla. C'est comme si Allah Azza wa Jalla voulait dire, vous vous souvenez, vous avez dit que j'allais créer quelqu'un qui allait couler son etc. Alaysa yani ana a'lam, alaysa ana a'lam minkum. C'est pour ça qu'il a dit, quand on lui a dit tu vas créer etc. Il a dit, yani que je sais, il a dit que je savais. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Et c'était ça, inni a'lamu ma la ta'lamun. Voilà, il y a beaucoup de gens, alhamdoulilah, qui sont pieux, qui font la prière, etc. Et ils ne sont pas comme a dit les anges, yani, ils ne font pas couler le sang, etc. Summa, ensuite, Allah Azza wa Jalla, il voudrait leur montrer que Adam alayhi salam, qu'il va créer, et que les créatures après lui, c'est ses enfants, que, yani, ils ont un manzila, indallah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une manzila. منزلة يعني je sais pas si on dit un degré ou là quelque chose comme ça يعني ils ont une منزلة عند الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'il a dit الله عز وجل؟ وعلم آدم الأسماء كلها. Ensuite الله عز وجل a appris à Adam tous les noms, أسماء كلها. Les ulama ont dit tous les noms, tout ce qu'il y a dans la terre, Allah Azza wa Jalla l'a appris à Adam. Il lui montrait comme ça des choses, comme ça, comme il lui faisait créer comme ça, manzil. Là, mot manzil, manzilatun, manzila. Manzila, yani, on dit ce, tu as dans mon cœur, yani manzila, indik manzila fi qalbi. Ça veut dire que enfin, vous avez compris, inshallah, manzilatun. S'il y a quelqu'un, inshallah, qui veut nous aider dans la traduction, il nous dit, on lui enlève la faute. Ça a un mot en français, pas que je l'ai oublié. Il y a un mot en français pour dire menzila. Menzila, ça veut dire. C'est pour ça que, inshallah, si je vais aller en Algérie, la première des choses, je vais commencer par chercher. Il doit y avoir un CD, c'est sûr, qui parle, qui explique arabe français. Il faut que ça existe, bismillah. Al-Muhim. Allah Azza wa Jal a appris à Adam alayhi salam, il lui a appris tous les noms. Il lui a dit, ça s'appelle un arbre, ça le ciel, ça le soleil, ça il lui a appris tous les noms. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Donc ça, c'est une chose que les anges ne savaient pas. C'est une chose que les anges ne savaient pas. C'est pour ça que après وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. Donc Allah Azza wa Jalla a appris à Adam les noms des choses. Ensuite il a dit, demandé à Adam de demander aux anges de dire comment ça s'appelle ceci cela. Ils n'ont pas pu répondre. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu leur montrer que déjà Adam est plus savant que vous. Adam déjà, yani, il a une menzila, hein, il a, ce que je voulais dire, il a une menzila plus haute que vous. La preuve, déjà il connaît beaucoup de choses, et vous, déjà vous ne connaissez même pas les noms des choses. ثم لقد اختلف العلماء فيما يخص هل اللغة هل توفيقية أو توقيفية. Ensuite, les ulama se sont divergés sur est-ce que la langue هذه, sur sa création, est-ce qu'elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ce sont les gens qui يعني, ils se sont يعني, تصالحوا فيما بينهم, اصطلحوا عفوا فيما بينهم, et ils ont dit voilà, on appelle cette chose par exemple voiture, cette chose là on appelle maison, cette chose on l'appelle lampe, cette chose on l'appelle mini cassette. Est-ce que هذا كله c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est de quoi, ou bien ce sont les gens qui اصطلحوا يعني, ça aussi un mot en français, on dit اصطلحوا يعني bon, je crois inshallah ta'ala vous avez compris. Les ulama ont beaucoup parlé sur cette question. Le arjah inshallah ta'ala qu'a dit l'allama al-Shawkani fi kitabih, comment il s'appelle le kitab, Irshad al-Fuhul, n'am, bon Irshad al-Fuhul, yani kitab usul hada, il a Sheikh Shawkani rahmatullah, il a apporté le dalil de ceux qui ont dit que la langue a commencé directement par Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres, les dalils de ceux qui ont dit, ce sont les gens qui l'ont appris, hein, ils se sont, yani, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ils se sont mis d'accord pour dire on appelle telle chose ceci, telle chose cela. Ensuite il a donné le arjah, il a dit, et d'ailleurs moi je suis convaincu avec cela, Allah ta'ala, il a dit, la langue, yani, elle a les deux. Premièrement, elle a été créée par Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla a appris à Adam des noms, beaucoup de noms, tous les noms de ce qu'il y avait quand il a été créé, tout ce qu'il y avait, ça c'était un ange, ça c'était un ciel, ça c'était un arbre, ça, tout ce qu'il y avait, car les arbres bien sûr et le monde ont été créés avant Adam alayhi salam. Ensuite, quand il est descendu sur terre, il a eu des enfants, etc., ils ont commencé à quoi, à يصطلحون على تسميتي بعض الأشياء ببعض الأسماء. Ensuite ils se sont dit voilà, telle chose on appelle ceci, telle chose on appelle X, telle chose on appelle Y. Donc voilà inshallah ta'ala l'arjah en ce qui concerne la création de la langue. Et vous devez savoir bien sûr que la langue هذه c'est une ni'ma min ni'am Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a dit dans le Coran, si je me souviens du verset, il a dit dans le Coran, wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil-alimin wa lil-alamin fi zul ithnain sahih ورش وحفص للعالمين للعالم ومن آياته دوسيسين خلق السماوات والأرض la création des terres et des cieux واختلاف ألسنتكم وألوانكم et la différence de vos langages, de vos langues et de vos couleurs. Toi tu es noir, l'autre on dit noir, واحد il est brun, واحد il est blanc, واحد il a tache de rousseur. وهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى, un signe de الله سبحانه وتعالى. Et yani, les langues, la diversité, les langues différentes, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est un signe. Allah, quand tu t'assois avec des gens, il est allemand, il est anglais, il est français, il est bulgare, il y a des milliers et milliers de langues, yani, tu commences à réfléchir, tu te dis, subhanallah al-azim, comment ça se fait. Ils parlent, tu ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Deux gens parlent, ils se comprennent. Toi le troisième tu comprends pas, toi tu parles avec un autre tu le comprends, les deux autres ne vont pas vous comprendre, et ainsi de suite. Hada aya min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Et surtout de nos jours, par exemple de nos jours, plus quelqu'un connaît la langue, plus inshallah ta'ala ça l'aidera beaucoup s'il veut faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de Usama, si je n'ai pas oublié, il a demandé de Usama d'apprendre la langue juive, le hébreu. Et dans le hadith sahih, qu'il l'avait appris en 15 jours seulement. En 15 jours seulement, il avait appris l'hébreu. Pourquoi ? Tu peux pas parler avec quelqu'un si tu connais pas sa langue. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyin lahum. On a envoyé deux prophètes que avec le même langage de ceux auxquels il a été envoyé. Pourquoi ? Liyubayyin lahum, afin qu'ils leur fassent comprendre. C'est pour ça que, par exemple, s'il y a quelqu'un, par exemple, on va lui donner une mosquée, on va lui dire va faire la prière du Jumu'ah aux gens, va leur faire la prière de la Jumu'ah. Ou ça, par exemple, en Chine, et il sait que ceux qui vont venir, ce sont tous des Chinois, il n'y a aucun d'eux qui ne comprend un mot en arabe. Ensuite, lui, le imam, il connaît le chinois. Ensuite, s'il va monter sur le mimbar, il va faire la khutbah en arabe, celui-là, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup compris l'islam. À quoi ça sert que tu leur parles en arabe et eux, ils ne comprennent aucun mot? Donc à quoi ça sert? Pourquoi tu parles? Tu es en train de un perroquet qui parle dans le vide. Donc tais-toi et descends du mimbar. Au moins, comme on dit les ulama, parle en arabe et traduit. Dis ayat al-khutbat al-hajj, etc. en arabe, dis quelques ahadith en arabe, ensuite tu commences à traduire vers leur langue. Sinon, à quoi ça sert que tu fais le Jumu'ah? C'est pas une Jumu'ah s'ils comprennent pas ce que tu es en train de dire. Ce n'est pas une Jumu'ah. Je disais que... Est-ce qu'il y a autre chose? Non. J'oublierai pas ici de dire que Adam alayhi salam, c'est Abu al-Bashar. Adam alayhi salam, c'est Abu al-Bashar. Comme dans le hadith de Bukhari. Bukhari, rahmatullah, قال, يجتمعوا المؤمنون يوم القيامة, le jour du jugement dernier, les croyants vont se réunir. فَيَقُولُونَ لَوْ اِسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا. Ils vont dire, et si on faisait une intercession à Allah subhanahu wa ta'ala, car je vous ai dit une fois que on a besoin d'une intercession pour que Allah azzawajal vienne seulement pour qu'on commence le hisab. لأن الناس يعني يحتاجون إلى شفاعة أولا حتى يأتي الله عز وجل, حتى يأتي الله عز وجل ليبدأ فقط في الحساب, ليس ليدخل الجنة, فقط ليبدأ الحساب يعني من التعب والحرارة والشمس. فماذا يقولون؟ فيأتون آدم, يلبوني شي آدم, فيقولون أنت أبو البشر, c'est toi le père des créatures humaines, c'est toi le père des créatures humaines. Ensuite le hadith est un peu long bien sûr, mais pourquoi j'ai dit cela? Parce qu'il y a certains qui disent de nos jours, mal asif, certains qui disent quoi? Qui disent que Adam alayhi salam, ce n'est pas le père des créatures humaines. Laysa huwa Abu al-Bashar. Mal asif. Yaquluna Adam alayhi salam huwa awwal insan faqat. Huwa awwal insan. Adam alayhi salam, c'est seulement la première créature. Mais avant la première créature humaine. Mais avant lui, il y avait d'autres humains. Et celui-là, bien sûr, il veut, mal asif, il veut nous faire croire que qu'on est descendu du singe. Il veut dire, comme a dit Darwin, que l'homme Adam, il est descendu du singe, il n'est pas descendu de Adam alayhi salam, donc parce que Adam ce n'est pas Abul Bachar. Cela, comme a dit quelqu'un, Ma'al Asif, il a dit, ça fait très longtemps, Mohamed Abdul Misri. Ensuite, docteur Abdel Sabour Shahin, c'est un Misri, c'est un Égyptien, il a dit ça aussi, Ma'al Asif, c'est très, yani, ça fait du mal qu'on entende cela, mais nous on dit, comme dans le hadith Bukhari, Anta Abul Bachar, Adam alayhi salam, Abul Bachar, laysa fihi Bacharan qabla, huwa Abuhum. Ensuite, Allah Azza wa Jal, quand il a dit, ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Les anges ont reconnu, ils ont dit سبحانك لا علم لنا, on n'a pas d'in sauf ce que tu nous as appris, sauf ce que tu nous as appris. Ensuite, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ je suis en train de chercher إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خلقتني من نار وخلقته من طين. Ici, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit à Adam alayhi salam, lorsqu'il a dit au shaitan bien sûr, il a dit à tous les anges d'abord qu'il faut qu'ils fassent un sujoud à Adam alayhi salam. Quand ils font le sujoud, ils vont le faire à Adam alayhi salam, mais pas spécialement parce c'est Adam, mais c'est parce que Allah Azza wa Jal qui a ordonné. Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Ne dis pas pourquoi je vais faire à Adam. Toi, tu vas faire à Adam, mais en fin de compte, tu obéis à qui? Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a demandé de faire le sujoud. Bien sûr, Iblis n'a pas voulu. Tous les anges ont fait le sujoud. Iblis, Hada, alayhi la'natullah, n'a pas voulu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. » Moi je suis mieux que lui. Moi tu m'as créé de feu et lui il a été créé de tin, d'argile. Il a été créé d'argile. Les ulama ont dit, comme a dit d'ailleurs Hassan al-Basri a dit « Qasa Iblis wa huwa awwal man qas. » Et Muhammad ibn Sirin a dit « Awwal man qasa Iblis wa ma ubidat shamsu wa al-qamar illa bil maqayis. » Et c'est pour ça que Ibn Hazm a dit il n'y a pas de qiyas dans la charia. Il n'y a pas de qiyas dans la charia. Le qiyas, je ne sais pas comment ça se dit en français, ça veut dire, tu dis par exemple, je donne un exemple. Tu dis par exemple, Allah Azza wa Jal a interdit l'alcool à cause que elle rend quelqu'un sous. Par déduction par analogie. Je crois, Inch'Allah Ta'ala, c'est ça, je ne sais pas. Mais en arabe, je donne d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là, tu dis Allah Azza wa Jal a interdit le khamr, l'alcool, pourquoi? Parce qu'il rend quelqu'un sous. Il lui enlève, yani, le mukho, hein. Il sait plus ce qu'il dit, etc. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit que l'alcool est interdit. Ça. Maintenant, la drogue, le mukhaddirat, c'est la même chose et c'est plus. C'est la même chose et c'est plus. C'est plus que l'alcool. Et donc elle contient la même illa, elle contient la même chose, ça veut dire elle rend sous et rend plus, donc elle aussi est haram. Ça s'appelle un qiyas. On dit j'ai fait un qiyas. Donc Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un qiyas. Il a dit moi je suis créé, j'ai été créé de feu, le feu il brûle, etc. L'autre il a été créé de terre. La terre, elle est la plupart du temps, elle est lourde, elle est en bas, elle ne monte pas vers le haut comme le feu monte vers le haut, etc. Donc, moi, je suis mieux que lui. Il a fait une déduction par analogie et il s'est bien sûr beaucoup trompé. Donc, certains ulama comme Ibn Hazm, al-Rahmatullah, Ma'al Asif, dit qu'il n'y a pas de qiyas. Dans la charia, il n'y a pas de qiyas. Alors que le sahih, c'est qu'il y a le qiyas. Il y a le qiyas On a d'abord le Coran, la Sunna, ensuite Ijma, ensuite Qiyas. C'est ça, عند أهل السنة والجماعة. Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. Qiyas. C'est le quatrième. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ibn al-Qayyim ala rahmatullah, Ibn al-Qayyim ala rahmatullah, a dans un de ses livres qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in, et s'appelle aussi A'lam al-Muwaqqi'in, les deux, il est venu dans 20 ou 30 pages spécialement pour prouver que le Qiyas est une base des bases de Al-Sunnah. Que, yani, il annule ce qu'a dit Ibn Hazm et les autres, qu'il n'y a pas de Qiyas dans la charia. Il a dit, il a apporté peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300 preuves pour prouver que le Qiyas existe dans la charia et qu'il y a beaucoup de Qiyas dans le Coran. Il y a beaucoup de Qiyas dans le Coran et il y a même des Qiyas dans les hadiths. Si je peux me rappeler une ayah, sinon je vais chercher un livre de, s'il y a devant moi, il y a par exemple une ayah qui parle de Qiyas. Je vais réfléchir un peu à la résume. Lorsque l'Azawajal parle, par exemple, lorsqu'il parle, j'ai pas le Coran devant moi, lorsque l'Azawajal parle par exemple de la terre, par exemple, lorsqu'il dit il n'y a pas d'eau, etc., elle est sèche. Ensuite, il dit فَأَنزَلْنَا مِنْ سَمَاءِ مَاءً فَأَصْبَحَتْ مُخْدَرًا. Maintenant, la terre a commencé à revivre de nouveau, il y a les plantes qui sont sorties, etc. Ensuite, derrière cela, il dit toujours كَذَلِكَ نُحْيِي الْمَوْتَى. كَذَلِكَ نُحْيِي الْمَوْتَى. Pourquoi maintenant il parle de la mort et de ressusciter les morts? Pourquoi ça s'appelle le Qiyas? Il a parlé de ressusciter la terre et juste après il a dit ressusciter les morts. Maintenant, si tu crois, toi, tu es convaincu que Allah Azza wa Jalla ressuscite les plantes, etc., la terre, des fois elle est morte comme ça, mshkoura, il y a ni eau ni rien, le soleil aride. Ensuite, Allah Azza wa Jalla fait tomber de l'eau, elle vit de nouveau la terre, subhanallah, et elle commence à, on peut dire, elle fait sortir ses enfants. Ses enfants, c'est des plantes, etc. Zara, il arrive dans l'état. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est la même chose. Moi, la terre, j'ai pu la faire revivre après qu'elle était morte, elle était morte. Maintenant, vous, pourquoi je ne peux pas vous faire revivre? Pourquoi je ne peux pas? C'est peut-être plus facile. Et dans les hadiths, par exemple, je donne seulement un exemple. Il y a beaucoup dans les hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit dans un hadith sahih, je dirais même plus que ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salam a fait même le qiyas, parce que le qiyas c'est anwa, c'est des sortes. Par exemple, il y a le qiyas ard, le qiyas aks, il y a le qiyas al jali, il y a le qiyas al khafi, il y a beaucoup de sortes. Qiyas ard, qui est normal, et il y a le qiyas aks, du contraire. Je vais donner un exemple. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, il a dit quand il a parlé aux sahaba que la salat a dit comment que elle fait la salat, alhamdoulillah, comment qu'elle enlève l'ithm. Il veut leur montrer maintenant que la salat a dit, quand tu fais la salat, elle t'enlève le ithm. Le prophète alayhi salam veut nous donner un exemple. Il dit dans un hadith sahih, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum, auriez vu s'il y avait un fleuve devant votre porte, et que vous vous laviez de ce fleuve 5 fois par jour, est-ce que celui qui se lave il va lui rester des saletés sur lui 5 fois par jour, il se lave d'un fleuve? Bien sûr, ils ont dit non, il va devenir propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَكَذَلِكُمْ مَثَلُ السَّلَوَةِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَيَا. C'est la même chose pour la salat. Allah Azza wa Jal, il enlève avec la salat, il enlève quoi? Il enlève nos ismes, etc. Donc les ulama ont dit ça s'appelle aussi le qiyas. Il a voulu leur montrer que la salat enlève, chaque fois que tu fais la salat, elle t'enlève tes péchés. Comment il a fait ça? Il a parlé du fleuve. Quand tu as un fleuve devant toi, tu te laves 5 fois par jour, tu ne vas pas devenir propre. Ils ont dit, si, il a dit la même chose, la salat. 5 fois par jour, tu l'as fait. Donc à chaque fois, elle t'enlève tes saletés. Ensuite, quand il a, si on peut parler de qiyas axe, maintenant on va donner un qiyas axe, ça veut dire un qiyas contraire. Un qiyas contraire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait leur montrer qu'on pouvait avoir beaucoup de hasanat. Il a dit par exemple, tu halil, taqul Allahu akbar sadaqa. Tu sabbih, subhanallah, tu as un ajr. Tu dis Allahu akbar, tu as un ajr. Ensuite, il a parlé, jusqu'à ce qu'il ait dit, il a dit quoi? Il a dit, wa fi bum'i ahadikum sadaqa. Ensuite, il a dit, même quand quelqu'un fait le rapport avec son épouse, il a un ajr. Il a un ajr. Alors là, les sahaba radiallahu ta'ala anhum se sont étonnés. Se sont étonnés. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. Ça les a étonnés, c'est la première fois qu'ils entendent cela. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani quelqu'un de nous fait avec son épouse et il a un ajr. Subhanallah al-Azim, c'est pour son plaisir personnel, il a un ajr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner ce qu'on appelle un qiyas axe, il va leur montrer maintenant, par contraire, que na'am, ils auront un ajr. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? أرأيتم لو وضع في حرام أيكون عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال يكون كان له أجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que lorsque il va faire avec son membre, il va mettre son membre dans le haram, pas avec son épouse, une autre femme, il aura dit, il va avoir un hitm ou il ne va pas avoir? Ils ont dit, il va avoir un hitm, un péché. Il a dit, c'est la même chose. Quand il fait avec le halal, il a un ajr. Voilà, qiyas axe par le contraire. Si tu fais avec, pas ton épouse, avec le haram, tu vas avoir un hitm. Si tu fais avec ta femme qui est halal, tu vas avoir un ajr. Tout ça, les ulama ont dit, ça s'appelle le qiyas. Le premier, c'est un qiyas tard. Celui-là, c'est un qiyas axe qui veut montrer par le contraire. Zinjabila, la dernière fois vous avez donné l'exemple. Ah, jazakillahu khair, naam. Comme j'ai donné une fois, barakallahu fik, une fois j'ai dit que quand on rentre aux toilettes, il n'y a pas un hadith qui dit que tu rentres avec la gauche. Mais par qiyas axe, quand tu rentres à la mosquée c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu rentres avec quoi? Tu rentres avec la droite. Maintenant tu vas rentrer la maison du shaytan. Tu vas rentrer aux toilettes où il y a le shaytan. Tu rentres avec qiyas axe, tu rentres avec le pied gauche et tu sors avec le pied droit. Donc il n'y a pas de hadith comme ça, mais il y a comme ça un qiyas axe. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas si je m'arrête ou là j'ajoute encore quelque chose ici, car je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de commencer par Qasas al-Anbiya. J'ai dit pour changer un peu, parce que les gens à force d'entendre yani fiqh ou aqida, ensuite peut-être qu'ils disent on veut maintenant changer un peu. C'est pour ça que j'ai voulu changer un peu, surtout que ce mois, yani, inshallah ta'ala, y a un dars chaque soir. J'ai dit peut-être qu'on fait un peu de Adam, alayhi sallam, ensuite on fait l'Anbiya al-Akharin, si vous voulez, premièrement, et deuxièmement, si yani, yakoun fi l'umur baqiyya, inshallah ta'ala. Maintenant, peut-être que je vais ajouter une chose, il reste 5 minutes, inshallah ta'ala. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. الله عز وجل a dit aux anges qu'il allait créer une créature humaine, bachar, من صلصال من حماء مسنون. من صلصال من حماء مسنون. صلصال ما هو؟ هو الطين اليابس إذا خمر يترك في مكان بماء وكذا حتى يخمر حتى يصير له صلصلة وصوت كصوت الفخار. Donc صلصال c'est quoi? C'est quand on, par exemple, on a de l'argile, on lui met par exemple un peu d'eau, on laisse cette argile de côté comme ça, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 3 mois, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il devienne sec, devienne yani yabis. ثم qu'est-ce qu'il va y avoir? L'argile maintenant avec de l'eau, elle est sèche, cette argile. Par exemple, si tu la frappes par terre ou la contre un mur ou là, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un son, salsala. Si tu écoutes, un son. Voilà, là, je a dit, j'ai créé Adam, min salsalatin, d'une argile, comme je viens de dire, min salsalatin, yani, qui a été mélangée avec quelle eau? Min salsalatin, min hama il musnoun. Ou le hama il musnoun, c'est l'argile qui a fait changer de couleur. L'argile, quand tu la mets dans un endroit, tu la laisses longtemps, à cause de l'eau, etc., elle va changer de couleur et elle va changer d'odeur. Elle va avoir une autre odeur qui n'est pas bien, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu l'as laissé longtemps avec de l'eau. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, quand il parle de l'eau qu'il va nous donner dans le paradis, inshallah ta'ala, Allah nijalana min ahl al-jannah, quand il va nous donner l'eau du paradis, qu'est-ce qu'il parle quand il dit l'eau? Il dit مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. Il dit le paradis que j'ai créé pour mes créatures, ceux qui vont y rentrer, ils trouveront là-bas de l'eau, bien sûr de l'eau, et quelle eau, hein, quelle eau, alors, c'est pas l'eau pleine de calcaire, de l'eau, il dit غَيْرِ آسِنٍ. غَيْرِ آسِنٍ, ça veut dire qu'il ne change jamais d'odeur. Tu vas prendre une eau, laisse-la un mois, ensuite tu vas revenir, tu vas trouver une odeur dans cette eau. L'eau du paradis, elle ne change jamais d'odeur, elle n'a jamais d'odeur, elle reste toujours comme ça, yani sans odeur. Mais l'argile a dit que l'azote avec laquelle a créé Adam, elle a changé d'odeur. Ensuite l'azote a dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ. Ensuite, il parle aux anges, il dit, si après avoir terminé sa création, et ensuite, après avoir fait rentrer à l'intérieur de mon âme, vous devez lui faire une prosternation. Premièrement, la prosternation, vous la faites, c'est parce que moi qui vous ai dit, c'est pas Adam. Deuxièmement, Adam alayhi salam, vous allez faire la prosternation, c'est pas de l'argile, je lui ai donné de mon âme. Et là, bien sûr, attention, c'est très dangereux si on se trompe ici, de mon âme, c'est pas de mon âme que j'ai en mon intérieur. Ma'adallah. De mon âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'âme que j'ai créée. Comme il dit, par exemple, de mon ciel, de mes arbres, de mes personnes, de ma mère. Par exemple, comme il va dire, je vais lui rentrer dans son ventre un peu d'eau de ma mère que j'ai créée. C'est pas de ma mère qui est à l'intérieur de moi. Ma mère, sans, je parle de le bahr. Ou bien, je vais lui mettre à l'intérieur, par exemple, de ma terre. La terre, c'est pas ma terre qui est à l'intérieur de moi. La terre que j'ai créée, la même chose de mon âme. Ça veut dire, j'ai créé une âme, je vais la mettre à l'intérieur de Adam. Parce que certains ma'ad asif, certains soufis, certains mubtadi'a, certains égarés, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que de mon âme, ça veut dire que c'est l'âme d'Allah. Et jusqu'à ce que tu entends des gens dire, n'oublie pas qu'on a à l'intérieur l'âme d'Allah. Ma'ad Allah, subhanallah, ma'ad Allah. Yani l'âme d'Allah, nous on a l'âme d'Allah. C'est tahil. هذا يعني بدعة عظيمة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Tous les anges se sont prosternés. Tous les anges se sont prosternés. إلا إبليس أبى أن يكون من ساجدين. Sauf Iblis n'a pas voulu qu'il se prosterne. N'a pas voulu qu'il se prosterne. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع ساجدين. Allah Azza wa Jalla lui demande, et bien sûr la réponse est ça. Pourquoi tu t'es pas prosterné avec ceux qui se sont prosternés? قال لب أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام مسنون. Je ne vois pas comment je vais faire la prosternation à quelqu'un que tu as créé d'argile mélangée avec de l'eau qui a une odeur, etc. Ça, moi, je suis pas le genre qui fait une prosternation à quelqu'un comme celui-là. Ça s'appelle. C'est pour ça que les ulama disent que le coffre d'Iblis, c'était un coffre takabbur, coffre imtina wa takabbur. C'est pas le coffre. Certains disent. Yani le coffre, c'est seulement parce que tu ne crois pas en Allah. Non, c'est pas ça. Celui qui ne croit pas en Allah, c'est un mati. Mais certains croient en Allah, ils savent qu'il y a Allah, il y a le jour du jugement dernier, etc. Mais ils sont kuffar, pourquoi? Parce que il y a takabbaroun. Non, moi, je veux pas ce din. Moi, je veux pas cette salat. Je sais qu'il y a Allah, il y a le jahannam, il y a le paradis, je sais, mais moi, j'aime pas, il y a takabbar, il dit jamais moi je ne pose ma tête, jamais moi je ne pose mon nez par terre, jamais moi. Ça s'appelle, il est devenu kafir, comment? Takabbar. Sinon, Iblis a parlé avec Allah par orgueil. Non, il se vante par orgueil. Sinon, Iblis, il a parlé avec Allah. Il a parlé, il a dialogué, il a dit non, etc. Moi, pourquoi vais-je faire une prosternation? Et voilà mes délits, c'est que je suis mieux que lui, etc. Donc, on peut même, celui-là, il a parlé avec Allah, c'est un kafir. Pourquoi il est kafir? C'est pas parce qu'il sait pas que Allah n'existe pas. mais c'est parce qu'il n'a pas voulu suivre ce que Allah Azza wa Jal a dit. Allah Azza wa Jal a dit فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Ensuite, bien sûr, là, on va terminer par quelque chose, c'est de dire que certains croient que Iblis, ou bien disent que Iblis c'était un ange. C'est un ange. La preuve, c'est que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ. سَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ. Donc voilà une preuve que Iblis est un ange. Et bien sûr, nous on a dit, ceux qui ont assisté à Medoros, lorsqu'on a parlé des prophètes et des anges, on a parlé du Shaytan Adam, on a dit que Shaytan n'a jamais été un ange, mais parce que il adorait Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal l'a mis dans le rang des anges. Et quand Allah Azza wa Jal a demandé aux anges de se prosterner, il était parmi eux. Il n'était pas un ange, mais il était parmi eux. Pourquoi? Parce que il avait un degré yani, de qui lui a permis d'être parmi les rangs des anges. Et ensuite, la plus grande preuve que Shaytan n'est pas un ange et n'a jamais été un ange, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, je ne sais pas où il est ce hadith, mais je vous l'ai déjà dit une fois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit خَلَقَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ وَخَلَقَ أَدَمَ مِنْ مَوْصِفَ لَكُمْ. Donc ce hadith très clair et très sahih, laissez aller Roubar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allah Azza wa Jal, il a créé les anges de lumière et il a créé le shaitan, voilà la preuve ici, le djinn, il l'a créé de feu et il a créé Ibn Adam, il a créé Adam alayhi salam de ce que je vous ai raconté, comme c'est dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Voilà ce que Allah Azza wa Jal veut dire ici. Ensuite, le deuxième dalil, je crois que c'est suffisant, inshallah ta'ala, le deuxième dalil que Iblis n'est pas un ange, c'est que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهو عدو لكم. الله عز وجل a dit, comment se fait-il que vous preniez ce Iblis, vous le preniez comme ami et allié alors que c'est un ennemi? Comment se fait-il que vous preniez Iblis et ses enfants comme alliés alors que c'est un ennemi? Qu'est-ce qui a rapport avec le dars ici? Le mot ses enfants. Les malaïkas, les anges n'ont pas d'enfants, ne se marient pas, n'ont pas d'enfants. Mais Iblis se marie et il a des enfants. C'est pour ça qu'il a dit ici, وَذُرِيَتَهُ. Donc voilà une preuve très sûre, solide et flagrante. Les anges ne jamais se marient pas, n'ont pas de sexe. Et Iblis, il se marie, il a des enfants. C'est pour ça que l'homme, l'époux, quand il fait le rapport avec sa femme, il dit pas l'homme djinn ibn shaytan, bismillah, l'homme djinn ibn shaytan, djinn ibn shaytan, ma razaqtana. Pourquoi il dit djinn ibn shaytan? Pourquoi tu demandes à Allah d'éloigner le shaytan quand tu fais avec ta femme? Parce que si tu dis pas cela, lui il va faire aussi. Et lui aussi il va profiter, il va yani, faire avec l'ipouada. C'est pour ça que tu dis comme djinn ibn shaytan ou djinn ibn shaytan ma razaqtana. On s'arrête ici, inshallah ta'ala. Si j'ai dit juste, fabillah subhanahu wa ta'ala, in akhta'tu fa min nafsi. Bien sûr, l'histoire de Adam est assez longue. Si Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous aide, on la termine, on va rentrer dans les autres prophètes par détail, Inch'Allah Ta'ala. Je voulais seulement changer un peu de Dieu, pour ne pas parler seulement de Fiqh, etc. Si ça vous intéresse, Inch'Allah Ta'ala, on termine à la prochaine fois, on fait un dars spécialement dans Hada les Anbiya, les prophètes. Si vous voyez que yani, vous aimerez autre chose, la Aqida ou le Fiqh ou là, moi, yani, je fais la chose en laquelle vous penchez, Inch'Allah ta'ala, on se rencontre Inch'Allah ta'ala pour les questions-réponses dans 5 minutes. Subhanak lahum wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu lik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, inshallah ta'ala, avant de commencer, il y a une sœur hier qui m'avait demandé une question. J'ai oublié sa question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui était avec nous hier pour me rappeler quelle est sa question? Elle m'a posé une question. Je lui ai dit, inshallah, dans une semaine, je t'apporte la réponse. Est-ce que quelqu'un se souvient quelle est la question de cette sœur, inshallah ta'ala, afin que je lui réponde, car c'est la deuxième fois que je lui promets et que je lui ai pas répondu. Maintenant, je cherche celle qui met dans la traduction, je la trouve pas où est-ce qu'elle est. Inshallah, Zanjabila tafadali, wa qabla an tabda'i, Zanjabila li en haut. Je voudrais vous dire que avant de poser vos questions, qu'on commence toujours par les questions qui ont rapport avec le DARS premièrement, que deuxièmement, avec la question, les anges, hein? Bah, peut-être, je ne sais pas. Bah, deuxièmement, je voudrais vous dire, les anges, Jazakallah, tu as raison. Je vais l'écrire maintenant, les anges, quand on va aux toilettes, etc. Naam. Jazakallah khairan, barakallahu fi. Faut que je la note maintenant pour ne pas l'oublier. C'est ça, et lors des toilettes aussi. Ensuite, il y a une sœur qui m'a demandé aujourd'hui, elle m'a posé une question aujourd'hui. Je lui ai dit dans une semaine, je me rappelle. Ah, elle est là, khlas. Pardon, c'est écrit, ça, je l'ai écrit, je ne l'ai pas remarqué. Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne les questions qui ont un rapport avec le dars, je voudrais vous dire d'abord une petite remarque. En ce qui concerne Qasas al-Anbiya wa ghayr dhalik, yani laysa fihi tawassu' fi al-ajwiba, wa li hadha atlub minkum an la takun yani al-as'ila an la takun yani fiha naw' min takalluf. C'est pas la peine de poser des questions comme ça, yani pour aller très loin, il y a pas de réponse, car Allah Azza wa Jalla a laissé beaucoup de choses comme ça, yani il a donné seulement, yani, il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Donc, c'est pas la peine de rentrer beaucoup dans les détails, car il va pas y avoir de réponse. Car ce sont des choses qu'on ne peut savoir que d'après le Coran et d'après le Hadith. Il n'y a pas beaucoup de Hadith qui vont te montrer exactement, par exemple, comme certains, par exemple, qui aiment dire, et ils aiment dire, par exemple, Iblis Allah, par exemple, puisque tu viens de dire que Iblis avait été marié, donc quel est le prénom de sa femme? Ah, le prénom de sa femme, d'où je vais le ramener à là? Il n'y a ni dans le Coran ni dans le Sunna. Où je vais te ramener le prénom de sa femme, et comment s'appellent ses enfants, etc. Ah, là, c'est une question, yani que même si tu connaissais toi, quel est le prénom de sa femme, est-ce que ça va te faire rentrer au paradis ou là ça va t'éloigner de l'enfer? Yani min al-'ilm alladhi la yanfa' wal jahl alladhi la yadur. Comme certains, par exemple, ils parlent du chien qui est dans Sourate al-Kahf. Wa kalbuhum basitun dira'i bil wasit. Ils disent que ce chien là, est-ce que c'est un chien de chasse ou là un chien de garde ou là un chien de tassal, donc c'est un caniche. Bien, c'est un caniche. Donc, je l'ai répondu, je ne sais pas si ça s'en va. Jazakallah khair. Zanjabil a dit, on a posé la question à un cheikh, comment s'appelle la femme d'Iblis. Il a dit, je ne sais pas si c'est à son mariage. Jazakallah khair, un cheikh. Barakallah fi, naam. Tafadlali, Zanjabil a. Bismillah, tafadlali. Avec le mèche, attends un peu, Baraklofik. Zanjabila, attends un peu, Baraklofik. Je ne vais pas t'oublier. Je ne vais pas t'oublier, Inch'Allah Ta'ala. Attends un peu, on va revenir sur le mèche. Scorpion 55, tfaddal. D'accord, il n'y a pas de mouchkila. Nour al-Haq. Nour Han, tafadbal. Nour Han, tafadbal. Allah يجزيك خير سكوربيون. انت واسمك سكوربيون وكاين اخت واسمها هنا العنكبوت وعندي مدة ما شفتهاش في القاعة. فالله سبحانه وتعالى ان يحفظنا. ام سودة, ام سودة تفضلي, ام سودة تفضلي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سيك ولا كيسون إن شاء الله تعالى. آدم عليه السلام est-il un prophète ou un prophète et messager؟ يعني هل آدم عليه السلام نبي أم نبي ورسول؟ La plupart disent que آدم عليه السلام c'est un nabi. Maintenant je ne peux pas te répondre en français parce que je ne sais pas si c'est nabi, c'est prophète ou bien c'est messager. Je te dis en arabe, c'est un nabi. Le premier rasoul c'est Nuh عليه السلام. Le premier rasoul c'est Nuh عليه السلام. Qui a été envoyé sur terre, le premier. Adam alayhi salam, je crois qu'en arabe, en français, messager, ça veut dire, voilà, Nabi c'est prophète. Nabi c'est prophète. Prophète c'est un Nabi. Ah, barakallahu fikum. Donc, Adam alayhi salam, prophète, ou un Nuh alayhi salam, messager. Naam. Naam. Barakallahu fikum. فيك بارك الله. أبو وأم لنا بلا تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أسكو. إبليس أبو الله تعالى جامي إن يا جامي إن يا أوكين كرياتور كي أبو الله سبحانه وتعالى إن يا أوكين كرياتور كي أبو الله سبحانه وتعالى. Et bien sûr, si Iblis avait vu Allah, ça veut dire que en ce sens, yani dans cette partie, il aurait été mieux que les prophètes. Car aucun prophète n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son ascension, il n'a pas vu. Il a dit Nour anna ara. Nour, hijabuhun nour, il a dit aussi. Hijabuhun nour. Si notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature ne l'a pas vu, comment Iblis l'aurait-il vu? والله تعالى هلال 1406 تفضلي. Ta question n'est pas passée, Hilal. Je crois qu'elle était assez longue. Tu essaies de la couper. Essaye de la couper, Inch'Allah. Tu es prêt à atteindre nos élèves. Faites l'ordre Hilal, écris au moins la première phrase ou là, ensuite tu envoies ensuite la deuxième, la troisième. Thank you. Au Maghreb, qu'au Maghreb, il faut fermer toutes les portes, éteindre la lumière, si vous voulez l'indiquer, barakallahu fikoum. Je crois qu'il manque quelque chose, il manque quelque chose dans ce texte. Le début ne passe pas. Mais allez, j'ai à peu près compris le début. C'est vrai qu'au Maghreb, etc. Je crois que c'est comme ça. Bon, il n'y a rien, c'est écrit voilà, mais il n'y a rien. En ce qui concerne quand il y a le Maghreb, quand le soleil se couche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas laisser les enfants dehors. Parce que c'est un moment où les shaytans vont se disperser. Ils vont rentrer dans les maisons, etc. Et les shaytans hadou, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mal la plupart aux enfants et aux femmes. La plupart du temps, ils font du mal aux enfants et aux femmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, quand il fait Maghreb, de ne pas laisser les enfants. Mais après, par exemple, si c'est après la Isha ou là, il n'y a pas de problème. L'essentiel, ce qui est menhi anhu, qabla al-zulma, zulma al-halika, qabla al-zulma. لكن لما يعني بعد الظلمة فإن شاء الله تعالى ليس فيه مشكل. Once concerned fermé les portes etc. éteindre la lumière etc. ce n'est pas éteindre la lumière. C'est fermer les portes et fermer les choses qu'on a dans la maison, les fermer et éteindre le feu. C'est pas la lumière, éteindre le feu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne le feu, il a dit, c'est le shaitan qui va venir, il va aller. Il a mis les hadihi. Le shaitan va par exemple aller chez le rat par exemple, et il va le pousser à ce qu'il vienne du côté où on a le feu. Autrefois on avait le feu dans ce qu'on appelle un kinki, je ne sais pas comment on dit en français, le kinki hada, c'est nar hakada. Alors cette ancienne lampe, le kinki hada, s'il tombe par terre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a le feu qui va se propager à la maison. Donc Shaitan va faire venir le rat devant le kinki. Ensuite il va le pousser comme ça, il va tomber, il va y avoir le feu dans la maison. C'est pour ça que le prophète Hassan a dit éteignez le feu que vous avez à la maison. Il ne parle pas de la lumière, il parle du feu. Ensuite il a parlé aussi des ustensiles qu'on a, les marmites etc. Il a dit il faut les fermer. Si vous n'avez pas de quoi les fermer, au moins on met un bâton dessus et on dit bismillah. Car même les autres choses, quand on les ferme, on dit aussi bismillah, car le shaitan ne peut pas ouvrir quelque chose lorsque tu as dit bismillah. Tu fermes une porte, tu dis bismillah, le shaitan ne peut pas l'ouvrir. Donc Allah Azza wa Jal, par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris qu'on doit fermer les marmites, etc. On doit les couvrir, je veux dire les couvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui descend une fois chaque année. Bon, une nuit. Il y a une nuit dans une année, on ne sait pas c'est quelle nuit exactement. Il y a une maladie dangereuse qui descend et elle rentre spécialement dans les marmites etc. qui n'ont pas été couvertes. C'est pour ça que les ulama disent, quand tu ne couvres pas une marmite ou là, il faut jeter ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne faut pas le manger le lendemain. Tu ne sais pas, peut-être cette nuit-là, La maladie est descendue. C'est pour ça qu'on a demandé Cheikh Ben Baz, quelqu'un lui a demandé, j'ai oublié mon manger, etc. Comme ça, par exemple, sans le couvrir, qu'est-ce que j'en fais? Il lui a dit, tu le donnes aux poules. Donne-le aux poules, si tu as des poules à la maison. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Mu'ad, tafaddal. Abu Mu'ad. Prends le micro, Wesmo Kabumad, prends le micro, mais c'est mouchkil. Il est le fiki barakallahu fi. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Donc, j'ai deux questions, si vous me le permettez. Donc, ma première question, elle concerne le livre de Cheikh Al-Albani, Sifat Salat. J'aurais aimé savoir, donc, Cheikh Al-Albani rapporte plusieurs tashahoud, dont celui d'Ibn Abbas, celui d'Ibn Mas'ud, celui d'Ibn Omar, celui d'Omar, radiallahu ta'ala anhum. Et je voulais savoir, Cheikh, si on devait en choisir un seul, ou s'il nous était possible de changer de tashahoud, car ça, Cheikh Al-Albani n'en parle pas. Et ma deuxième question, Cheikh, je voulais savoir s'il existait et si vous connaissiez des dalils sur le pourquoi de la récitation à voix haute lors des prières du Subh, du Maghrib et du Isha, et pourquoi donc on récite à voix basse lors des autres prières, et ou si c'est un point donc qu'on ne connaît pas. Donc ma première question, Cheikh, c'était à propos du livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il rapporte plusieurs tashahoud, dont celui d'Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, et etc. Et j'aurais aimé savoir si l'on devait choisir un de ces tashahoud, ou si il était possible de changer de tashahoud, c'est-à-dire alterner les tashahoud, un coup prendre celui d'Ibn Abbas, un coup de prendre celui d'Ibn Omar, etc. Est-ce que vous avez compris mes questions, Cheikh? Barakallahu fikoum. Continue sur autre chose à dire, Boumouad. Tu avais posé deux questions, n'est-ce pas? Tu as posé deux questions. La première sur le tashahoud, la première sur la salat. Pourquoi on dit fort, pourquoi on dit à voix basse. Et aussi pour le tashahoud. C'est tout, hein? En ce qui concerne la première question, je ne connais pas un dalil comme ça, clair, qui dit pourquoi. Mais beaucoup de ulama ont dit que des prières qu'on fait comme ça à voix haute, c'est pour, par exemple, pour rester éveillé, etc. Comme ça, en plein jour, ça tu es éveillé déjà. Zohar, Asaf, tu es éveillé, tu fais à voix basse. Mais le Maghreb, on commence à voir soleil, Isha, et ça prend bien se lever, donc on fait à voix haute. Pourquoi? Pour mieux se réveiller. C'est comme ça qu'on dit le ulama. Mais attention, c'est par istinbat, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas un verset. C'est pour ça que Cheikh Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, si kitab al-maratib al-ijma', il a dit ajma'a yani al-ulama annahu yajuzu laka fi an-nafila yani salat an-nafila an tusirra fiha kama yajuzu laka an tajhar. Il a dit Ibn Hazm, et Cheikh al-Islam, bien sûr, il a fait le tahqiq de ce livre. Il n'a pas dit là c'est une faute, yani il s'est tué à Karrahu. Quand tu fais la nefila, tu es libre. Tu l'as fait la nuit, le jour, tu veux dire à voix basse, à voix haute, tu es libre. Pas comme le fard, non. Subh, Maghrib, Isha, tu dis à voix basse, à voix haute, et Dhuhr ou Asr, tu dis à voix faible. Et j'avais dit hier, je ne sais pas si hier ou avant-hier, j'ai dit que quand Allah Azza wa Jal, ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous montre pas la hikmah, pourquoi? La hikmah spéciale d'une chose, on va à la hikmah générale qui est quoi? Qui est son adoration. Ida khafiyat alayna al hikmah al khassatu, nantaqil ila al hikmah al ammati, ilati hiya mata, hiya ibadatullahi subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al jinna wa al insa illa liyabudun. Comme a dit Omar ibn Khattab quand il a embrassé le caillou noir avec la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Inni a'lam annaka la tadur. Donc je ne connais, Omar veut dire, je ne connais pas la hikmah, mais puisque le prophète nous a ordonné, je l'ai vu faire cela, moi je fais comme lui, car laqad kana lakum yani fi rasulillah iswa hasana, car je dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le plus intéressant que de, par exemple, connaître la hikmah et de ne pas embrasser la pierre noire. Il existe un dalil, Cheikh, qui nous montre que la nuit, il faut que la voix soit ni basse ni forte. Naam, je connais le hadith. Je connais quand il a parlé avec Abu Bakr Siddiq, il a parlé avec Omar ibn Khattab. Ça, c'est aussi un dalil que yani naam c'est celui-là, naam je le connais, ça, ça c'est un hadith. Il a dit que parce que Omar a posé un peu trop fort et l'autre Abu Bakr faisait un peu trop faible. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer que la meilleure des choses c'était le milieu. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa btaghi bayna dhalika sabila. Yani quand tu fais la salat, ne la fais pas très fort jusqu'à déranger les autres, et ne la fais pas très faible jusqu'à ce que tu ne saches pas ce que tu es en train de dire toi. En ce qui concerne la deuxième question, il y a beaucoup de tashahhud comme tu as dit, et les ulama ont dit, même Cheikh Al-Albani l'a dit, mais je ne sais pas où, j'ai oublié, de toute façon il a dit la meilleure des choses c'est que si on connaît par exemple deux ou trois façons de tashahhud, on ne tient pas toujours sur le même tashahhud, on ne tient pas tout nowhere. Par exemple, cette salat tu dis celui-là, l'autre salat tu dis un autre, dans une autre ce mois-ci tu dis ce doigt, dans l'autre mois tu vas dire un autre, et ainsi de suite. Ça si on les connaît. Mais si on ne les connaît pas, Allah Ghalib, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une seule, on varie. Jazakallah, on varie, on essaie de varier. Pas seulement dans Tashahhud, dans toutes les choses. Par exemple, le doigt al-istiftah. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de doigts à l'istiftah. Par exemple, aujourd'hui, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabira, Alhamdulillah Kathira, Subhanallah Bukrat Wasila. Demain ou là, ce soir là, tu dis Allahu Akbar, j'ai oublié, tu dis doigt à Tawil. Voilà, j'ai oublié le deuxième, le troisième, il y en a tellement. Naam, Subhanak Allahumma bihamdik, Tabarak Asmuk, wa Ta'ala Jidduk, wa La Ilaha Ghayruk. Tu dis par exemple celui-là aussi. Ou bien tu dis le troisième que le prophète Hassan disait quand il faisait, surtout la nuit, il faisait la prière. Où il dit Arsifoubi bin Mawsaf Julbar, Makini min Zonoub, Khataya comme Nakasab, Awiyaz bin Wasakh. Le grand doua Abel Mashwar. De toute façon, si on varie, c'est mieux. Mais si on connaît un seul, on marche avec un seul. Mais là, je voudrais faire une petite remarque, c'est tout. C'est que certains, quand ils font la prière, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est une remarque importante. Mon Cheikh Al-Albani aussi a fait la remarque. Inch'Allah ta'ala, wallah, j'ai même l'envie, l'intention de vous faire le kitab salat al-Albani, kitab salat. Il est tellement important, j'attends seulement que inch'Allah quelqu'un de vous ou quelqu'une me trouve la traduction de ces salat nabi en français. Moi, une fois je l'ai trouvé à l'internet, ensuite je l'ai perdu. Il y a son livre de l'Albani qui est traduit en français. Si vous le trouvez, on doit commencer la salat, c'est très important, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Je disais que c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est tashahhud, c'est telfiq. Les ulama disent telfiq. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un tashahhud, le début de ce tashahhud, il lui colle la moitié d'un autre tashahhud, et il va terminer avec un troisième tashahhud, le tout, il le fait dans un seul tashahhud. Cheikh Al-Albani a dit ça, c'est faux. Quand tu dis un tashahhud, tu le dis du début à la fin, lui-même, tu n'ajoutes rien. Certains, par exemple, ajoutent et rétrécissent dans un même tashahhud. Ça, les ulama ont dit, c'est faux. Par exemple, je vous donne un exemple, c'est tout. Je vous donne un exemple en ce qui concerne tashahhud, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Par exemple, moi, celui que je dis le plus souvent, c'est le tashahhud de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Mais comment j'ai fait? Je l'ai d'abord écrit, ensuite je l'ai appris, pour n'ajouter ni un mot, ni ne retrancher un mot. Tu ajoutes seulement un mot, par exemple, il a dit Hamid, toi tu dis Hamid Majid. Majid, parce que Majid, ça existe dans un autre doua. Tu fais rentrer le deuxième mot dans le premier ikhlas. Ce n'est pas le vrai doua, bien sûr. La prière est juste, mais tu n'as pas le grand ajr quand tu dis exactement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tashahhud de Omar, il dit comme ça, Tahiyyatu lillah, Zakiyyatu lillah, Tayyibatu lillah, Salamu ala nabi, bon salamu ala nabi, wa salam alayka ayyuha nabi, a dit faire un grand problème, après on va en parler. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ibadallah salihin, wa ashhadu an la ilaha illallah, regardez, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Quand je dis wa ashhadu an la ilaha illallah, je dis pas par exemple wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ça existe, mais dans un autre tashahhud. Moi j'ai choisi le tashahhud de Omar, il n'y a pas wahdahu, j'ajoute pas wahdahu la sharika lah. Je dis wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا فاطر الزم في العالمين c'est aussi dans un autre tashahhud. C'est pour ça que je conseille à mes frères au moins d'apprendre un tashahhud du début à la fin, de l'apprendre avec ses lettres, harfiyan. Summa, si tu peux, inshallah, tu ajoutes un autre et tu changes de temps en temps. Wallahu ta'ala a'lam. C'est à qui le tour, je ne sais pas, Nourhan, s'il a parlé ou n'a pas parlé. Nourhan, tafadhal. أبو معاذ وجزاك الله خيرا أنت بارك الله فيك الله تعالى أن يعيننا فقط وأن يرزقنا الإخلاص أهم شيء إن شاء الله تعالى هو الإخلاص الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأنا يعني شخصيا لما أدرس لكم والله شخصيا يعني أشعر أيضا يعني بحلاوة وبكذا لهذا يعني أنا أيضا حارس مثل ما أنتم حارسون إن شاء الله تعالى Fadlan Nourhan, j'attends ta... Nourhan, si tu peux, Baraklovic, Nourhan, si tu peux, tu agrandis un peu l'écriture, Adi. Naam, هل يجوز البيع أمام المسجد؟ أنا أخت تشرفين, هل يجوز البيع أمام المسجد؟ وباركلوفيكم. Maintenant, quand j'ai eu la question de la sœur Nourhan, ça m'a rappelé une chose. J'allais dire qu'elle était hors sujet. Ensuite, je me suis rappelé, je dis, subhanallah, Abu Mouad aussi m'a posé une question hors sujet, je lui ai répondu. Alors que j'avais dit qu'on commençait toujours par les rapports qui ont rapport avec le Dars. D'ailleurs, Zinjabila, je lui ai même pas répondu, je lui ai dit après. Je ne sais pas comment je me suis oublié. Al-Muhim, Idakan, Amam al-Masjid, Idakan, Amam al-Masjid, Mawdakh al-Masjid, Laysa fihi mushkil, inshallah ta'ala. أن لا يكون لا في المسجد ولا في ساحته أن يكون خارج سور المسجد إذا كان خارج سور المسجد فإن حكمه ماذا؟ حكم الإباحة لماذا؟ لأنه ليس لا داخل أصل المسجد ولا داخل شيء تابع له والله تعالى أعلم توفيق 95 تفضل Il reste, inshallah, 20 minutes. Faites un peu vite. Barakallahu fikum. Fiki, barakallah. Tafadhal. C'est à qui le tour, hein? Ceux qui ont déjà posé la question, ils baissent le bras. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Toufiq, tu peux écrire, maalesh, c'est pas, tu n'es pas obligé de parler, tu peux écrire. Écris ta question, inshallah ta'ala. Tashahhud, c'est pas obligé qu'il a la mine. Je ne sais pas si tu m'as bien suivi de Tawfiq. Moi, je parlais du tashahhud de Omar ibn Khattab, celui-là dont je viens de lire. J'ai dit, il n'a pas kalimat, il n'y a pas dans ce tashahhud de Omar, radiallahu ta'ala, il n'y a pas fil alamin. Fil alamin, il y a dans d'autres tashahhud, peut-être de Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud. Peut-être qu'il y a, pour ceux qui ont fait le salat al-Nabi, ils vérifient ça. Mais Abdullah ibn Hadith, le tashahhud de Omar ibn Khattab ne comprend pas le mot fil alamin. C'est pour ça que quand tu fais le tashahhud de Omar, tu dis pas fil alamin. Quand tu dis le tashahhud de Ibn Abbas ou bien Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, tu dis inshallah ta'ala fil alamin. N'oubliez pas inshallah ta'ala pour ceux qui peuvent me procurer le livre de Sifat Salat al-Nabi, Sifat Salat al-Nabi, Sheikh al-Albani, rahimahullah, en français. نعم زنجبيلة تفضلي pour la question du masah تفضلي est-il possible de faire le masah sur la chaussette pour le dos et de faire le masah du Asr au-dessus des chaussures et l'inverse. Au-dessus des chaussures et l'inverse. Quand quelqu'un met, par exemple, des chaussettes, par exemple, ensuite, il met le mesf sur la chaussette pour le dor. Il a essuyé pour le dor sur les chaussettes. Ensuite, il a mis ses souliers après un mesf. Ça veut dire qu'il a fait le mesf d'abord, ensuite il a essuyé, il a fait rentrer ses souliers. Celui-là, il peut essuyer sur ses chaussures. Mais s'il met, par exemple, il met des chaussettes, ensuite, il fait un mesf. Ensuite, par exemple, il annule ses ablutions. Ensuite, il met des chaussures ou bien il met des chaussettes. Celui-là, il ne peut pas yimsah, il ne peut pas essuyer sur le haut, il doit essuyer sur le bas. Idan ida adkhala al-jawarib al-oula ala masah, ida afwan adkhala al-jawarib thumma masah 'alayha thumma adkhala al-jawarib thaniya 'ala masah fayakun al-mashu liman lil-a'la, wa ida adkhala al-jawarabain al-akhirain على ليس على على مسح يعني لم يمسح يعني بعد يكون نقض وضوءه من المسح الأول فإن الحكم يكون للذي من تحت وليس للذي من فوق. J'espère إن شاء الله تعالى que tu as compris, sinon je te répète. تفضل عباس تفضل. نعم زنجبيل content. Quand on met les chaussettes, avant de mettre les chaussures, il faut que, au moins si tu, yani, auparavant tu avais fait le wudu, bien sûr, pour rentrer les chaussettes. Mais encore, faut-il que lorsque tu rentres les chaussettes, il faut que tu sois à la wudu. Il faut que tu sois à la wudu, bien à la mesh. Ça veut dire, tu as essuyé les chaussettes et tu les as rentrées. C'est pas tu as annulé tes ablutions, ensuite tu vas rentrer tes chaussettes. Voilà, c'est comme tu as dit, Inch'Allah ta'ala. Combien Abbas, alaykoum salam, combien vaut un dinar en or, barakallahu fik? Combien vaut un dinar en or, barakallahu fik? Un dinar en or, barakallahu fik, attends, je vais te dire, un dinar en or, pour connaître quelle est la valeur d'un dinar en or, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez celui qui vend de l'or, par exemple, je sais pas comment il s'appelle, celui qui vend de l'or, tu lui demandes combien c'est le prix de 5 grammes d'or. Car un dinar d'or, c'est 5 grammes d'or, le bijoutier. Tu vas chez le bijoutier, tu lui demandes combien font 5 grammes d'or. Quand il te dit combien est 5 grammes d'or, c'est ça le dinar. C'est pour ça que dans le hadith, par exemple, il est dit que la qat'a illa fi rub'i dinar fa ma fawq. On ne coupe pas la main de quelqu'un sauf s'il vole dinar, un quart de dinar et plus. Un quart de dinar, c'est 5 divisé par 4, c'est 1,5. Donc si quelqu'un vole une chose, on voit si cette chose, son prix est plus d'un gramme, 1 gramme et quart d'or, on doit lui, c'est bien sûr, c'est pas nous, le gouverneur lui coupe la main s'il a rempli les autres conditions, bien sûr. أم في الدوس تفضل لي بارك الله فيك. نعم tu as bien entendu أم في الدوس, tu as bien entendu. Iblis n'a jamais été un ange, c'était un djinn, comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal, il a dit خلقت الملائكة من نور, les anges ont été créés de lumière, وخلق الجن من مارج من نار, et le djinn a été créé de feu. Et Iblis c'est un djinn, car Allah Azza wa Jal dans le Coran, إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه, إلا إبليس, tous, Allah Azza wa Jal a dit tous ont fait la prosternation sauf Iblis, كان من الجن, où le djinn, le prophète a dit, il a été créé de feu. Ensuite, il a dit, dans ce verset, sorti le kaf, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, voici une grande preuve, une très grande preuve, que le djinn n'est pas dans l'âme, que Iblis n'est pas un ange, car il a dit, فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, il a fait le fousouq, il n'a pas voulu faire la prosternation, c'est un fasaq, alors que les anges ne font jamais de péché, et ne sont pas fussaq ayadan billah. تفضل نعم تفضل عبد الغني تفضل بارك الله فيك عبد الغني تفضل. Inch'Allah ta'ala, je n'oublierai pas de vous dire que très bientôt, on doit commencer un livre sur les règles du Ramadan. Car je sais que c'est pas passé, Abdelrahi, répète, Baraklovi, c'est pas passé, répète par petite coupure. Je sais très bien que beaucoup de mes frères et de mes soeurs font beaucoup de fautes dans le Ramadan. Beaucoup de fautes dans le Karam. Certains font des choses qui sont haram et croient que ce n'est pas haram. Et d'autres laissent des choses qui sont halal parce qu'ils croient que c'est haram. Voilà, yani c'est les deux. Ou bien certains font des choses qui sont haram et ils disent que je croyais que c'était pas haram, en plein karam. Et l'autre, ce sont des choses halal qu'il peut faire, il ne les fait pas. Il dit je savais pas que ça se faisait. Donc c'est pour ça qu'inch'Allah ta'ala, très bientôt on va commencer le kitab du Siyam avant que le Ramadan, inch'Allah, ne rentre. Avant que l'on commence le mois, Inch'Allah ta'ala. Abdel Ghani, tafadlal marra okhra. Salam alaikum. Vous m'entendez? Assalamu alaikum, cher. J'ai bien trouvé pour le hadith, pour le juif, j'ai cherché dans le livre du Tawahid de l'imam Wahhab, j'ai bien trouvé 6. Ô Mohamed, nous trouvons dans nos livres qu'Allah place les anciens sur un doigt, ça fait 1. Les terres sur un doigt, ça fait 2. Les arbres sur un doigt, ça fait 3. L'eau sur un doigt, ça fait 4. Le sol sur un doigt, ça fait 5, et toutes les autres créatures sur un doigt, ça fait 6. Donc je voulais savoir si c'était, comme je l'ai trouvé en français, je voulais savoir si c'était une erreur du français à l'arabe ou si vous aviez plus d'informations. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui a parlé d'abord? Moi je ne sais même pas c'est qui a parlé. C'est qui a parlé? Barakallahu fik. Décrivez son nom, son pseudo. Non, Abdel Ghaniou. Non, Abdel Ghaniou. Premièrement, toi, quand tu m'as dit salam alaikum, moi, quand je colle, je dis salam alaikum, soit salaf, etc., ça veut dire que je t'ai entendu, je parle à la salle en général. Quand quelqu'un, un homme, prend le micro et me dit salam alaikum, si je lui ai écrit cette phrase, ça veut dire que, bien sûr, je l'ai entendu. En ce qui concerne ton hadith, Wallah, j'aurais aimé que tu me dises où il est pour que je revienne. Moi, j'ai bien cherché dans les livres de l'Albanie et j'ai pas trouvé. Si tu peux me dire où tu l'as trouvé pour que je cherche si c'est un hadith sahih, parce que j'ai pas entendu le début. Qu'est-ce que tu as dit? Chapitre 67 de quel livre? Je t'ai pas entendu au début. De quel livre, chapitre 67? Ou bien tu peux me dire, dis-moi comment il commence le hadith. Dis-moi comment il commence. Je vais le chercher. Donne-moi comment commence le hadith. Barakallahu fik. Donne-moi comment commence le hadith. Écris-moi. Ou là tu veux parler, parle. Prends le micro. Barakallahu fik. Parle, c'est plus vite. Prends le micro. Ibn Masoud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporta qu'un rabbin est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, ô Mohammed, nous trouvons dans nos livres qu'Allah place les anciens sur un doigt, etc. etc. Moi je croyais, parce que je n'avais pas entendu auparavant, je croyais que tu l'avais dit en arabe. De toute façon, je l'ai noté, Inch'Allah ta'ala, je vais chercher. Wa in kana al hadith sahihan fa barakallahu fik wa jazakallahu khairan wa in kana da'ifan, je t'avertirai Inch'Allah ta'ala. أم عبد الملك تفضلي. Abdullah, je suppose, Abdul Malik, je suppose que je t'ai enlevé le point rouge. Tafadhali, j'attends ta question, inshallah ta'ala. Comme salam, pour revenir sur le fait de fermer les portes, il doit les laisser fermer combien de temps? Et un prophète est-il obligatoire de messager et vice versa? En ce qui concerne le fait de refermer les portes, etc., on était en train de parler de la nuit. Et quand on se lève le matin, on peut aller découvrir les marmites, etc. On ferme la porte la nuit, on la ferme bien arrivée, on ne laisse pas les portes comme ça ouvertes, on ne sait pas ce qui se passe. Et même les marmites, etc., le jour, il n'y a aucun problème. Surtout en ce qui concerne les marmites, j'avais dit que la maladie a dit descendait la nuit, elle ne descendait pas le jour. Et on ferme la nuit les portes pour que, Hatta on soit en sûreté, etc. En ce qui concerne un prophète, est-il obligé. Quand c'est l'heure du Maghreb, on dit Bismillah, on ferme les portes. Et combien de temps? J'ai entendu une fois pendant une heure. Hadi, je ne la connais pas, Allah. Je n'ai jamais entendu que c'était une heure. Si c'est une heure, Jazakallah khairan, yani, tu vois où tu as lu ça, ou bien où tu as entendu cela, et tu me le dis, pour que je vois. Si c'est basé sur le hadith ou c'est sur quoi. Moi je ne connais pas que c'est une heure. Je sais que c'est la nuit. Je sais que c'est au moins jusqu'au fajr. Naam. Au moins jusqu'à ce que le soleil se lève. Au moins jusqu'à ce que yani, il n'y ait plus d'obscurité. Wallahu ta'ala. Abu Daoud, je vais le voir inshallah ta'ala. Abu Daoud. On peut les rouvrir quand? Car qu'il fait chaud, je les ferme, je dis Bismillah. Ami après. Bismillah. Le hadith a dit que je crois qu'on est en train de mélanger entre le hadith qui parle de la maladie qui descend et le hadith qui parle de fermer les portes. Je crois que on est en train de mélanger entre les deux. Le hadith qui parle de la maladie qui descend, elle descend la nuit. Ça veut dire que tant que le fajr ne s'est pas encore levé, on est la nuit. Car le jour commence avec le fajr. C'est pour ça que j'ai dit qu'on laisse jusqu'au fajr. Car le jour commence, on commence à dire on est au jour X après avoir fait la prière du fajr, inshallah ta'ala. Mais si tu me trouves quelque chose en ce qui concerne leur avis, tu me le dis, inshallah ta'ala, je le connais pas. Wallahu ta'ala alam. Shema, tafadhali. Shema 97, tafadhali. Mais après quoi, j'ai pas compris. Mais moi je parlais après de ça, et pour ma question, tu me fais me dire à jour du Maghreb. Y a-t-il un temps? Je ne sais pas qu'il y a un temps. On ferme la porte, ça veut dire que, bien sûr, s'il y a quelqu'un, par exemple, s'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on lui ouvre. S'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, on lui ouvre. Ça veut dire qu'on ne laisse pas la porte comme ça ouverte, c'est tout. Mais on la ferme, et s'il y a quelqu'un qui vient, on sort. Il est possible qu'on sorte la nuit. Il est possible qu'à 11h du soir, je vais sortir, j'ai, j'ai une affaire ou là j'ai quelqu'un qui m'attend, là je sors. Ça veut dire que je ne laisse pas la Wismahadi ouverte comme ça. La fenêtre, je ne sais pas s'il y a dans le hadith la fenêtre. Je ne sais pas s'il y a la fenêtre dans le hadith. Il faudrait, Inch'Allah ta'ala, que je revienne au hadith, Inch'Allah ta'ala. Pour être plus sûr, Inch'Allah ta'ala. Quelle est la deuxième question, Omar Abdelmalek? Quelle est la deuxième question? تفضل شيء من 97 اسمك زنجبيل دون مو لو حديث دو ابو داود دون لو مو ان عرب كومون كي كومونس ان عرب سي تو لا ان عرب كومون كي كومونس ان عرب داكور جي اوبليي لا دوزيام كيسيون جافي اوبليي لا دوزيام كيسيون يا دي بروفيت qui sont en même temps, yani Rasoul ou Nabi, qui sont Rasoul ou Nabi, et il y a ceux qui étaient Nabi, il y a ceux qui sont Nabi seulement. Ça, j'ai fait un dars, quand je parlais des prophètes, j'ai parlé peut-être 2 ou 3 mois seulement des prophètes, avec beaucoup de détails, et j'ai donné ce qu'ont dit les ulama en ce sens, et j'ai montré que certains étaient seulement des Nabi, et d'autres étaient Rasoul, et que j'avais donné une base là-bas que maintenant je viens d'oublier. J'avais donné une base très importante pour montrer que yani, bon, je voulais dire que le hadith d'Abdullah ibn Omar, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apprenait le dua, il lui a dit, tu dis amantu bi kitabik wa bi nabiyik alladhi arsalt. Il lui dit, tu dis comme ça, Amento, bi kitabik, wa bi nabiyik, alladhi arsalt. Fa Abdullah ibn Omar, il a dit, Amento, bi kitabik, alladhi anzalt. Au lieu de dire nabi, il a dit, wa bi rasoulik, alladhi arsalt. Le prophète, alayhi salam, lui a dit, non, pas rasoulik, nabiyik, bi nabiyik. Les ulama ont dit ici, voilà une preuve que, si chaque rasoul était en même temps Nabi, le prophète alayhi salam ne lui aurait pas corrigé, parce que au lieu de dire Nabi, Abdullah ibn Omar s'est trompé, il a dit rasoul, donc ça aurait été la même chose. Mais le prophète alayhi salam lui a dit non, ne dis pas rasoul, il faut dire Nabi ici. C'est avec ce délil que Ibn Hajr fi Fath al-Bari a dit que, yani ceux qui disent que chaque rasoul est en même temps Nabi, il a dit que ce n'est pas vrai, se basant sur ce hadith où le prophète alayhi salam n'a pas accepté de Abdullah ibn Omar qui change le mot Nabi à la place de Rasoul. Alors les ulama ont dit aussi autre chose, on dit quand on dit un dua, de préférence on le dit comme on l'a appris, on ne change rien en lui. Si c'est dit dans le dua Nabi, tu dis Nabi. Si c'est dit Rasoul, tu dis Rasoul. Si c'est dit la sharika lah, tu dis la sharika lah, tu dis pas wahdahu la sharika lah. Si c'est dit salam ala rasulullah, tu dis pas salam ou salat. Quand par exemple quand tu rentres à la mosquée, tu dis bismillah wa salam ala rasulullah, allahumma ighfir li dhanbi wa iftah li abwaab rahmatik. Quand tu sors bismillah wa salam ala rasulullah, allahumma ighfir li dhanbi wa iftah li abwaab fadlik. C'est un hadith rapporté par Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Bismillah wa salam ala rasulullah. Il n'a pas dit au salat salam à Rasulullah. Donc nous, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est ça, d'être salafi et de se maintenir yani, comme il y a dans les hadiths exactement, sans ajouter, sans retrancher, car ce sont des adorations, ce sont des ibadettes, on ne peut pas ajouter. Car si on peut ajouter, moi, par exemple, si je vais éternuer, je vais dire Alhamdulillah, au salat salam à Rasulullah. C'est permis. L'autre, il va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah kathiran, ensuite il va dire wa al-fadlu lillah al-kabir. Ensuite l'autre il va éternuer, il va dire Alhamdulillah as'aluka kada wa kada. On va dire non, tu dis seulement s'il y a dans le hadith. Hadith a dit Alhamdulillah quand on éternue, il a dit Alhamdulillah ala kulli hal, il a dit Alhamdulillah rabbil alamin, il a dit alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fih, comme dans le hadith du sahabi Jalil radiyallahu ta'ala anhu, qui a été approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que je voulais dire en général. Wallahu ta'ala a'lam. Cheikh Mahdi, j'aurais deux questions, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. La première question, est-ce qu'un frère peut se marier sans le consentement de ses parents? Chaque homme peut se marier sans le consentement de ses parents. Chaque homme peut se marier sans le consentement de ses parents. Mais seulement, il peut rentrer dans de grands machakels. Il va rentrer dans de grands problèmes. Si quoi? Si ses parents sont du genre qui demandent le consentement. Maintenant, ça dépend des parents. Il y a des parents qui, un jour, il vient leur fils, il leur dit, voilà, je me suis marié. Surtout s'il était à l'étranger ou là, ça ne leur dit rien. Il y a des parents, si jamais quelqu'un se marie sans leur dire, ils vont le renier. Ils vont dire, celui-là, ce n'est plus notre enfant, etc., etc. Donc, avant qu'il t'aide, vu que c'est bientôt l'heure, il faut me lever la main. Donc, en général, il peut se marier, yani c'est halal, je veux dire, son mariage est juste, c'est pas comme la femme, mais de préférence, comme j'ai dit, s'il a des parents sévères, etc., de préférence qu'il les avertisse au moins, yani c'est un peu haïb, comment quelqu'un, il va se marier sans dire à ses parents pour qu'il soit content, etc., etc. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, je crois que toi, tu parles de quelqu'un qui, ses parents ne sont pas, yani, précisons, ces personnes sont déjà enterrées depuis longtemps. Ces personnes sont enterrées. Quelles personnes qui sont enterrées? Je n'ai pas compris. Les parents sont enterrés ou là? J'ai pas compris de la question. Hein. La question, je n'ai pas comprise. Ses parents sont enterrés. Les parents de la femme sont enterrés. Et comment qu'elle peut yani, demander leur consentement yani, elle va devant la tombe et elle leur dit si vous permettez ou là, comment? Ça, j'ai pas compris. Yani, comment qu'elle peut demander la permission ou là, à ses parents, puisqu'ils sont déjà morts? Comment? Formule la question mieux, j'ai pas compris. Mais non, c'est la deuxième question, cher. Mais non. Il y a deux questions ici Bon, je vais chercher la deuxième question. C'est laquelle la deuxième question? Il n'y a pas de deuxième question. Barakallahu fik. Il n'y a pas de deuxième question. Orteshima, moi, dans mon micro, sur mon affiche, sur mon écran ici, je ne vois pas la deuxième question. Il y a seulement une question. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie ici. Et c'est cette chose-là qui nous a fait le problème là. Inch'Allah Ta'ala, renote-la. Inch'Allah Ta'ala, renote-la. Et moi, yani, je te répondrai, Inch'Allah Ta'ala, si j'ai la réponse. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas si l'ukht, j'ai oublié celle ukht, si elle avait entendu ma réponse sur le maqbara, sur le cimetière. Je ne sais pas si elle a entendu. Non, hein? Non. Bon, j'ai dit, parce que j'étais déconnecté, je ne savais pas. J'ai parlé dans le vide pendant 5 minutes. Je disais que hier, inshallah ta'ala, hier j'ai bien parlé de la femme si elle va au cimetière. Et j'ai donné les dalils, c'est pour ça que je ne vais pas me répéter. Je vais dire seulement que la femme, Inch'Allah Ta'ala, peut aller au cimetière avec deux ou trois conditions. La première, qu'elle parte pas très souvent, mais elle part de temps en temps. par exemple, yani une fois tous les 6 mois, et comme ça. Pas yani une fois chaque mois, etc. Deuxièmement, qu'elle doit être habillée d'un habit islamique. Elle part pas, elle passe, elle va pas au cimetière, yani comme ça, yani avec quelque chose de court, etc. Troisièmement, elle s'assoit pas sur les tombes. Elle va pas là-bas pour s'asseoir sur les tombes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un s'assoit sur les tombes, yani il a dit de préférence qu'il s'assoit sur Jamra. Jamra a dit, il s'assoit sur Jamra, yani quelque chose en feu, et elle rentre dans ses vêtements. Elle brûle ses vêtements, et elle brûle, yani sa cuisse, ou là, il se brûle, ailleurs, plutôt que de s'asseoir sur une tombe. Ensuite, quatrièmement, elle ne doit pas parler des choses de la vie. Elle ne parle pas des voisines, elle ne parle pas du mariage, elle ne parle pas de demander la main d'une femme, elle ne parle pas de la politique. Elle va là-bas seulement pour essayer de pleurer ou bien pour essayer de se souvenir qu'il va y avoir un jour où elle va aussi, elle, rencontrer Allah Azza wa Jal et que son avenir, c'est exactement comme l'avenir de cette personne qui est dans la tombe, yani qu'elle-même, elle est obligée de mourir un jour, etc. C'est pour ça que si elle part avec ces conditions, inshallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme en train de pleurer dans un cimetière, il ne lui a pas dit c'est interdit, il lui a dit seulement ittaqillah wasbiri, il lui a dit seulement patiente, et il ne lui a pas dit c'est interdit d'aller au cimetière. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Muhammad tafadhal. بارك الله فيك يا اخي جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله جاب 3 questions ان شاء الله سي بوسيبل لا بروميير ان شاء الله سي est-ce que quand on fait les ablutions dans la salle de bain ان شاء الله est-ce qu'on peut dire bismillah ou c'est un endroit de najasa et qu'on peut pas faire le rappel d'Allah est-ce qu'on peut dire bismillah au moment des ablutions quand on fait les ablutions dans la douche première question ان شاء الله et deuxième question c'est par rapport est-ce que la personne qui prie tout seul doit-elle faire l'éven et l'iqama quand elle prie chez elle tout seul et inshallah la dernière c'est une remarque d'un frère inshallah il demande est-ce que tu vas faire inshallah avant kitab al-siyam sifat al-salat inshallah le frère il demande inshallah barakallahu fik. Je commence par la troisième. La troisième, je ne sais pas, d'après le livre, Tassif Salat, quand est-ce que je vais l'avoir. De toute façon, même si je l'ai, ce n'est pas obligé que je vais le faire tous les jours. Par exemple, Tassif Salat, par exemple, 2 fois par semaine, et en même temps, je dois parler du Siyam, car le Siyam n'est pas très loin. Hein, je peux faire par exemple être sur l'Aqida, être sur le Siyam et ainsi de suite. Ensuite, quand le Siyam se termine, je parle d'autres choses qui vont venir, etc. Donc, halqa ou deux, spécialement pour les choses qui se renouvellent. Deuxièmement, ce qui concerne. Tu as dit quoi exactement? Je dois réfléchir à ce que tu as dit. Premièrement, ce qui concerne l'Aven. En ce qui concerne Bismillah. Tu peux, les ulama ont dit 3 choses. Ils se sont divisés en 3 groupes. Un groupe a dit, quand tu es à l'intérieur, il y a des toilettes. S'il y a des toilettes avec toi, certains salles de bain ont des toilettes. Certains ulama ont dit, tu dis pas. D'autres ont dit, tu dis bismillah. Yani, seulement, yani, tu fais bouger tes lèvres à peine. C'est comme si c'était dans ton cœur, tu fais bouger tes lèvres à peine. J'ai entendu d'autres, et pas des ulama, forts, qui ont dit tu donnes les toilettes si elles sont dans la salle de bain tu leur donnes ton dos tu les regardes pas en face tu leur donnes ton dos et tu dis bismillah comme ça doucement seulement avec tes lèvres et voilà ce qu'ils ont dit moi je fais avec la troisième ici chez nous on a les par malheur la salle de bain se trouve avec les toilettes normalement une maison de musulmans on a les toilettes seules séparées. La maison de musulmans, il a les toilettes seules et la salle de bain seule. Mais puisque je suis obligé de faire la douche à la salle de bain, donc je me retourne de l'autre côté, je dis seulement dans mes lèvres Bismillah et je fais ma douche Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne celui qui fait la prière seul, que ce soit une femme ou un homme, je commence par l'homme. Quand l'homme fait la prière seul, il lui est demandé, recommandé de faire le adhan, ensuite la iqama. Ensuite la iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith al-Bukhari, celui qui se trompait beaucoup dans la salat, Marouf, il lui a dit, retourne, tu n'as pas fait la prière, retourne, tu n'as pas fait la prière, retourne, tu n'as pas fait la prière, trois fois. Et dans une riwaya rapportée, authentique, que lorsque celui qui se trompait, lorsqu'il est venu au prophète Hassan, la troisième fois, pour lui apprendre, il lui a dit, ensuite, t'staqbil al-qibla, ensuite il lui a dit, pardon, ensuite il a dit tatashahad, les ulama ont dit tu'adhin, tatashahad, thumma tastaqbil al-qibla, thumma tukabbir, tatashahad. Donc il l'a dit à quelqu'un qui est seul, il lui a dit tatashahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, ma'ruf, il a dit que quand quelqu'un fait l'adhan, quand il est seul, il fait l'adhan, il y a deux anges qui vont faire la prière avec lui. Quand il fait l'adhan ou l'iqama, il y a des anges, il y a un nombre que personne ne peut connaître sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith sahih qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ya'jab, Allah s'étonne de quelqu'un en plein désert ou là en plein entre les montagnes, etc., en train de, yani, comment on dit, un berger, en train de avec ses moutons, et il dit quand c'est le temps de la prière, il fait l'appel à la prière. Ensuite, il fait la prière. Là, il est seul et il fait l'appel à la prière. Au point que Allah Azza wa Jalla, dans le hadith, il a dit, il s'étonne. Yani, qui yajib min insan, yani wahdu. Donc, conclusion, même quand tu rentres à la mosquée, tu trouves qu'ils ont déjà fait la prière, tu fais le adhan wahdak. C'est pas la peine de faire fort, comme ça, seul. Et là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shahadu la ilaha illallah, shahadu. Et ainsi de suite, tu l'as fait comme ça. Et ensuite, tu fais l'iqama. En ce qui concerne la femme, quand elle est à la maison, elle peut aussi faire l'adhan. Beaucoup de ulama, bien sûr, on ne fait pas l'adhan, elle fait seulement l'iqama. Moi, je marche avec l'avis de Albani, rahmatullah, que si elle veut le faire, elle le fait. Cheikh Albani a donné un hadith de Abdullah ibn Omar, où on lui a dit, est-ce que la femme fait l'adhan? Abdullah ibn Omar a dit, est-ce que je vais lui empêcher de dhikr Allah? A'amna'hunna min dhikrillah? A'amna'hunna min dhikrillah? Rapporté par Cheikh Al-Albani, authentifié. Abdullah ibn Omar, on lui a demandé est-ce que la femme fait le adhan. Il a dit comment? Moi, je vais lui dire ne fais pas, yani, je vais l'empêcher. Mais si elle fait seulement, les ulama ont dit, si elle fait seulement l'aïqama, ce n'est pas grave. Si elle veut faire seulement l'aïqama, ce n'est pas grave. Et bien, Amr Wasia, Inch'Allah ta'ala, elle est libre, la femme, quand elle est à la maison, si elle fait le adhan, elle a fait comme a dit Cheikh Al-Albani. Si elle fait seulement l'aïqama, elle a fait comme ont dit les autres ulama. والله تعالى أعلم. أخي لا تم تفضل بارك الله فيك. أخي لا تم تفضل بارك الله فيك. سكوا هذا صلاة النبي. شيخ جزاك الله خير بلا جيبا ومخيانا. donc c'est le site هذا. خلي إن شاء الله ندخل في le site هذا. نشوف بارك الله فيك. prends le micro si tu veux. prends le micro si tu veux. Akhil Atom, je t'ai enlevé le point rouge, Inch'Allah. Si tu veux prendre le micro, je t'ai enlevé le point rouge. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, il y a du son. D'accord. Bénisbet le hadith que le frère avait cité. عبد الغني الحديث رواه البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أوتيك باللغة. نعم. جاء حبر من الأحبار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى لما خلقت بيدي. ومسلم كتاب المنافقين باب صفة القيامة. صفة القيامة هذا شيء. أما الشيء الثاني أني وعدتنا فيما قبل أنك ستتكلم يعني في شبهة يدعون إليها بعض الأحباش في البلطوك, هي يعني يقومون بمخاطبة بعض النساء والرجال ويقولون لهم يعني من خلق المكان, فيقولون الله, فيقول هذا الحبشي ويقول هل يجوز أن الله هو الخالق المكان أن يكون داخل هذا المكان, يعني شبهة يلقون على بعض الإخوة. ف ما شاء الله الغرفة يعني تمتلي, ف يعني حبذا لو تكلمت في هذا وشرحت لنا هذا القول. وأيضا يعني شبهتهم المعروفة شبهة المحتزلة إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك اخي لاطومب, جزاك الله خيرا. Premièrement, ce qui concerne le hadith, tu as cité le Bukhari ou Muslim, je ne sais pas si tu as compris ce qu'on voulait nous. Nous, on voulait savoir que jusqu'à présent, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre que l'Azouj a deux doigts. Ensuite, il y a un autre qui a dit qu'il avait quatre. C'est pas il a dit, yani il a cité le Habr Hada quand il est venu, il a dit l'Azouj yumsik samawati ala isba' wal ard ala isba'. On a compté, on a trouvé quatre. Maintenant, on voulait savoir s'il y en a plus. C'est pour ça qu'on cherche dans le hadith. Dans ton hadith, il y a combien? Voilà ce que je voulais savoir. Moi, je n'ai pas compté avec toi. Tu as compté comme ça. Non, tu as compté comme ça. C'est avec l'autre. Moi, je cherche. On m'a dit que maintenant, il y a le sixième. On m'a dit qu'il y a le sixième. C'est pour ça que je voudrais savoir où est le hadith. C'est pour ça que je voudrais savoir où est le hadith. J'ai un hadith ici à la Samawat. يوم القيامة على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. نعم voilà, يا حديثي سي صحيح. je suis qu'est-ce qu'il a dit c'est moi tel arche jazan. نعم voilà, maintenant moi je viens de trouver un hadith ici, un hadith où il est mentionné 6, un hadith où il est mentionné 6, comme l'a déjà dit notre frère tout à l'heure, et je viens de trouver dans l'Ilal al-Jannah. L'Ilal al-Jannah, yani un hadith authentique, authentifié par l'Albani, où il est dit, Ja'a habrun ila min yahoud, ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, faqala ubelliguka anna Allah ta'ala yada'u samawati yawm al-qiyam ala isba', wal-ard ala isba', 2, wal-jibal ala isba', والشجر على إصبع 4, والماء والثرى على إصبع 5, وسائر الخلائق على إصبع. ثم يهزهن ويقول أنا الملك. donc dans ce hadith il est prouvé, il a été mentionné qu'il y en a 6 إن شاء الله تعالى والله تعالى علم. en ce qui concerne شبهة المكان والمكان هذا تاع الأحبش, bien sûr on a déjà parlé beaucoup de ça et même en détail. Je vais te voir si c'est hadith Abdullah ibn Mas'ouda. عن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله نعم سلوي سلو حديث عبد الله بن مسعود نعم سلو حديث عبد الله بن مسعود بارك الله فيكم. Donc en ce qui concerne l'endroit etc, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais en reparler plus. Yani au moment où je vais arriver fil aqida à ce point, je ne peux pas sauter, je ne peux pas sauter. J'ai déjà parlé de ce point, mais je vais en reparler inchallah ta'ala beaucoup plus pour montrer que l'ahbash hadou, ce sont des gens très très très dangereux. Ce sont des gens très très dangereux. C'est pour ça que je donne conseil à mes frères et mes sœurs d'être très vigilants et de ne pas rentrer dans leur salle. Ensuite, si vous allez rentrer, il y a des choubouhats qui vont vous arriver. Ensuite, c'est difficile de faire sortir les choubouhats du cœur. Ensuite, l'insan, ou l'ayadoubla, il va s'égarer. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, qu'est-ce qu'il a dit quand il parlait du Messie Dajjal, l'antéchrist, le Dajjal. Il a dit, lorsque vous entendrez qu'il est venu, il a dit, il y a certains d'entre vous, yani, qui vont aller ils vont dire, on va le voir seulement par curiosité. Ensuite, ils vont aller et ils vont le suivre, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lima indahu min shubuhat. Car Allah va lui donner beaucoup de shubuhat. Yani, il va faire mourir quelqu'un, ensuite le faire revivre une deuxième fois, il va faire sortir la pluie, etc. Donc il vaut mieux s'éloigner. Il y a ici des salles de Ahbash. Les Ahbash, ce sont l'une des sectes les plus dangereuses. Les Ahbash, elle dit, quiconque, les Ahbash disent, quiconque dit que Allah est sur son trône, c'est un kafir. Ibn Taymiyyah, c'est un kafir. Ibn Uthaymin, c'est un kafir. Ibn Khayyim, c'est un kafir. Tous les salafs sont kafir. Yani, tous les ulama sont kuffar, sauf eux. Pourquoi eux, ils disent, Inallah se trouve, Allah se trouve partout. Si tu dis Allah est sur son trône, tu es un kafir parce que tu l'as mis dans une place. Tu as mis Allah dans une place, khalas, tu es devenu un kafir. Il ne faut pas mettre Allah dans une place. Leur chef, bien sûr, s'appelle Abdullah al-Habashi. Il vit jusqu'à présent, il vit au Liban. Il a maintenant peut-être 90 ans ou plus. Il a 90 ans ou plus. Et Allah Azza wa Jalla ne veut pas le faire mourir maintenant. Mourir maintenant, pourquoi? Pour qu'il se remplisse de ithm. Afin que son ithm soit très grand. Il le laisse vivre comme ça. Quand il rencontrera Allah Azza wa Jalla, il lui montrera, comme on lui dit dans le Coran, Ar-Rahman al-Ashtawa, et l'autre il dit non. Et comme le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, il demande à la femme, il lui dit, où est Allah? Elle dit, au ciel, sur les cieux. Il lui dit, c'est une croyante, celle-là, et ils disent, non, il n'est pas au ciel, il est partout, il est dans les toilettes, il est dans le ventre de l'âne, il est partout. Ma'adallah, ta'ala Allah, amma yaqulu dhalimuna ulouun kabira. Il y a une salle ici, j'ai oublié comment ça s'appelle, je vous ai dit l'autre fois, je crois que c'est Allah l'unique, quelque chose comme ça, Allah l'unique. C'est une salle de Ahbash, il faut bien prendre garde, ne rentrez que dans les salles, vous connaissez que celui-là, c'est un salafi. Il faut bien avoir Allah l'unique sans associé. Jazakallahu khair. Allah l'unique sans associé. C'est une salle de Ahbash. Vous ne rentrez jamais dans cette salle. Et encore, vous devez mettre en garde les gens. Vous avez un grand ajr quand vous montrez aux gens et vous les mettez en garde. Ça rentre dans le djihad. Toi, même si tu rentres dans cette salle avec cette intention, l'intention de. Si tu trouves quelqu'un, tu lui parles en PV. Tu lui dis attention, tu es dans une salle de Ahbash où ils disent tous les ulamas sont des kuffars. Tous les ulamas des salafs sont des kuffars. Commence par Ibn Taymiyyah et tu descends. Et avant Ibn Taymiyyah, tous ce sont des kuffars, sauf eux bien sûr. Alors si tu rentres dans la salle avec le but seulement de dire aux nefs, de dire aux gens en PV comme ça, attention, sorte cette salle, elle est dangereuse, etc. Tu rentres. Mais si tu n'as pas de ilm, ou tu as peur, ne rentre pas dans ta salle. Tu n'es pas obligé de montrer aux gens. C'est les ulama qui montrent aux gens. La zone ne t'a pas dit de montrer pour que toi, tu t'égares. Si tu as quelque chose de solide et tu rentres pour montrer, ou la débattre, ou la d'accord. Tu as peur, ne rentre pas. Reste seulement avec, tu apprends le bien. Ensuite, le mal, Inch'Allah, tu le sauras, Inch'Allah, de lui seul. Je donne, Inch'Allah, j'ai dépassé de plus d'une heure. J'ai déplacé maintenant de plus de 40 minutes. le temps yani normal. La hawla wa la quwwata illa billah. La tombe, toi tu as parlé, Abu Mouad, tafadhal, Abu Mouad, barakallahu fik, tafadhal, il reste Suleyman et Oum Issa, inshallah on termine, tafadhal. Abu Mouaz, est-ce que tu es avec nous, Barakallahu fik? Tu es avec nous, prends le micro, bien écris ta question, Barakallahu fik. Tafadhal Suleyman Al-Jmari, tafadhal Suleyman, le temps que Abu Mouaz écrive quelque chose, Inch'Allah. Salam alaikum. Moi personnellement, je n'entendais rien. Je ne sais pas les autres s'ils entendaient. Barakallahu fikoum. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il m'écrit oui. Ou bien il écrit un. Moi, je n'entendais pas. Deux. Deux, qu'est-ce que ça veut dire? Zéro, ça. Non. Donc, Wasmik Suleyman, Jazakallahu khair. Hawl Antuslih Al-Laqit. Essaye de. Je ne sais pas comment on dit Tousleh. Hawl Tousleh, essaye de réparer ton micro. Essaye de réparer ton micro. Inch'Allah, tu reprends le micro et tu fais la nasiha. Abu Mouaz, tafadhal encore une fois, Abu Mouaz. Même l'écriture, Ousbak, Suleyman, même l'écriture, ça n'a pas commencé du début. C'est écrit, on dirait des enfants, peut-être ça commence par là, on dirait des enfants, vous coupez la parole et plein d'autres, pas des non-nazirs, vous posez vos questions, posez par rapport, vous donnez par le cheikh. Ah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Naam Suleyman, je ne réponds qu'aux questions que je connais. Quand je ne connais pas quelque chose, je la laisse pour je la note. Je la note sur le cahier et je réponds après. Abou Mouad, je crois que tu n'as rien à écrire. On passe à Oumaïssa. Tafadhal Oumaïssa. Le texte, où est-ce qu'il est le texte que tu as mis toi? J'ai pas ton texte, Wasmak, Suleyman, j'ai pas ton texte. C'est pas par rapport à vous, cher. Par rapport au frère. Non, ton texte, je l'ai pas par malheur. J'ai pas ton texte en PV, je l'ai pas. Non, dans mon PV, il n'y a pas de test. Mais ça, j'attends ta réponse, Inch'Allah ta'ala. Oum Issa, tu n'as rien écrit. Oum Issa, tu n'as rien écrit. Oum Issa et Abu Mouaz. Oum Issa et Abu Mouaz, ils n'ont rien écrit. Je ne sais pas pourquoi. تفضل اسمك ابراهيم تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الصوت في صوت شفت الصوت طيب الأخ يفضل بندي السلام عليكم ورحمة الله il a dit il n'a pas de question c'est juste par rapport au comportement c'est juste par rapport au attends c'est juste par rapport au comportement que j'ai observé dans ce salon de mes frères et de mes sœurs j'ai l'impression d'être dans une cour de récréation c'est un peu du n'importe quoi Quoi, et vous n'avez pas le adeb par rapport au cheikh qui est très gentil et que vous êtes en train de manger avec votre mauvais comportement. Soyez ordonnés, subhanallah. On dirait des enfants, vous coupez la parole et plein d'autres mauvais comportements, pas dignes dans une assise religieuse. Et quand vous posez vos questions, posez-les par rapport au cours donné par le cheikh. Méditez ce afa. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit « Celui qui répond à toutes les questions est fou. Et il, celui qui connaît une chose, qu'il la dise, et celui qui ne le sait pas, qu'il la dise. Celui qui ne sait pas, qu'il dise. Allahu alam. Car il fait partie de la science de dire Allahu alam. » Après, le frère dit, après voilà, il dit, c'est une nasiha pour le frère. Vous voulez que je répète, bien sûr, en quelque sorte, il dit que les frères et sœurs, quand ils posent leurs questions, ou il y en a, ils ne posent pas leurs questions correspondant au DAS, et ils ont un mauvais comportement. Il y a certaines personnes qui ont des mauvais comportements. Voilà en gros la question de Bachir. Voilà que l'on fait, c'est moi, quoi. فيك بارك الله أبو محمد جاء كيسون الله سوء تفضل سي تو بوز لا كيسون أسا بلاس تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخ سي لا سير أم عيسى على ان بروبليم إن شاء الله لا يكري لا كيسون سي ال دماند إن شاء الله est-ce que la femme elle peut prier dehors au regard des gens dans, quand elle est dehors comme dans un parc ou dans d'autres endroits par rapport peut-elle prier au regard des gens à l'extérieur quand on est dehors par exemple en voyage ou je sais pas ça fait comme chien vous m'entendez là chien vous m'entendez la sœur elle pose la question au Maïssa est-ce que la femme peut prier à l'extérieur de chez elle tandis que les gens peuvent la voir par exemple dans un parc ou dans un à l'extérieur peut-elle prier à l'extérieur de chez elle au regard des gens ou doit-elle obligatoirement se cacher ou Est-ce que la question est comprise, cher? Cher, ma question est-elle comprise? Par exemple, en voyage, on va dire en voyage, avec son mari. نعم j'ai écrit cela pour que tu me donnes le micro, c'est tout. Nam, j'ai compris ta question. Tu parles d'une femme quand elle est dehors, si elle fait la prière ou elle la fait pas. Je crois que c'est celle-là ta question. Quand elle est dehors, si elle fait la prière ou elle la fait pas. Nam. Attends une seconde. Hein. Elle dit, j'en ai parlé déjà une fois, ça fait longtemps, j'en ai parlé une fois, déjà une fois, et j'avais dit que de préférence, la femme, elle devait se cacher, de préférence, si elle a où se cacher. Maintenant, nous, on voudrait parler d'un cas où elle est entre deux choses, ou bien faire la prière sans se cacher parce qu'elle n'a pas où se cacher, ou bien laisser la prière sortir. J'avais dit une fois que, quand on sait qu'on va aller dans un endroit où on va pas aller, faire la prière, même si pour l'homme, pas seulement pour la femme, quand on va dans un endroit où on sait qu'il est impossible de faire la prière, on peut joindre les deux prières, soit avant, soit après. Et bien, il y a un hadith en ce sens que quand on est dans un embarras, on ne sait pas quoi faire, et on n'a pas, par exemple, quelqu'un va rentrer dans un examen, il ne va pas sortir pendant 5 heures. Là, bien sûr, il ne va pas s'arrêter en plein examen et va essayer trouver des ablutions, etc. Celui-là, il peut joindre entre les deux salats, comme a dit Cheikh l'Islam dans quelque chose qui ressemble à cela. D'ailleurs, ça se trouve chez l'imam Ahmed. Et l'Albani a authentifié un hadith sahih où il a dit dans Sahih al-Jama', il a dit à quelqu'un, il a dit aux gens, si vous trouvez comme moi, il y en a dans cette situation, vous faites comme moi, et il avait joigné entre deux salats. Et maintenant, exactement, quand elle n'a pas où se cacher et elle va pas joindre entre les deux salates, Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, c'est-à-dire dans une semaine exactement, je te répondrai avec beaucoup plus de délil, Inch'Allah ta'ala. Je te répondrai avec beaucoup plus de délil, Inch'Allah ta'ala. Je voudrais demander yani, s'il y a quelque chose de ce qu'on dit les ulama. Il y a la main de contemporain, bien sûr, dans cette mas'ala exactement. Wallahu ta'ala a'lam. Je crois qu'on a terminé avec Abu Mouad. Tafadal Abu Mouad. Tafadal, Inch'Allah, tu seras les. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا شيخ ما question je voulais savoir pour la prière de que la ta seulement est-ce qu'on doit faire azan. Abu Mouad, je crois que tu as un problème de micro. Je n'ai rien entendu.